les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous, vous êtes bien sur le 102.2 FM et sur Radio Campus Montpellier. Vous retrouvez tout de suite, hein, pour deux petites heures fort sympathiques je pense, notre émission Sport & Chill, la sportive de Radio Campus, et avec une belle équipe autour de moi et un beau programme qui nous attend messieurs. Alors nous serions ce soir trois autour de la table, enfin quatre, sachant qu'il y en a un qui lui manque à l'appel. Toujours le même. C'est notre, ouais, toujours le même, on peut le dire, quand c'est pas moi c'est lui, hein, notre spécialiste rugby Alex du soir, que l'on salue et qu'on encourage à arriver le plus vite possible. Et puis ici présent, mais un petit nouveau mais qui connaît déjà la maison, Corentin. Bon, ça fait 4 ans que je suis pas venu, mais ouais, ça fait plaisir de participer. Il y a eu des changements de lumière, hein, tu ouais, assez impressionnant, hein, vraiment. On voit qu'il y a du budget maintenant, ouais. Ouais. Et c'est sympa. Effectivement, et puis bien sûr Flo qui enchaîne, deuxième titularisation comme chroniqueur, nouveauté du moment. Je vais commencer à y prendre goût, hein, forcément. Ouais, aux prises de parole. Exactement. À gêner l'animateur comme on le fait si bien. C'est ça. Avec toi. Donc du coup, je reviens brièvement sur notre programme du soir qui va nous occuper. Une semaine qui peut paraître en apparence plus calme que la semaine passée, mais avec un beau programme tout de même. C'était le début du tournoi des Six Nations sur lequel nous reviendrons avec Alex. Nous aurons bien sûr du football, des sports d'hiver avec les disciplines freestyle cette fois-ci qui seront mises à l'honneur. Dans la rubrique Montpellier-Rennes, nous reviendrons surtout sur un match, le match, j'ai envie de dire, avec un grand thème, le derby Nîmes Olympique Montpellier Héros Sport Club. Et puis deux débats qui, voilà, ça va changer un petit peu de nos habitudes, sachant qu'on va faire deux débats dans le temps imparti de l'un habituellement, un sur l'Open Sud de France de tennis qui vient de démarrer, et puis ensuite un débat sur le ski alpin et les mondiaux dorés en Suède qui approchent très bientôt. Et sans transition, on passe tout de suite aux résultats de la semaine, messieurs. Sport and Chill, les résultats. Alors, on avait prévu de démarrer par le rugby, mais peu importe, nous allons démarrer. J'envoie par des le... messages de menaces, Alex. Ah ouais, je vois, ça démarre démarre directement par les menaces. Et tu as raison, parce que c'était quand même la grosse actualité de cette semaine. Après. Alors, il faudra la traiter de manière la plus aboutie possible, mais on va démarrer par le football, où il y avait des choses intéressantes, si ça te convient bien, Flo. Oui, avec notamment les coupes nationales, si je ne me trompe pas, cette semaine. Oui, on va faire un petit point sur les coupes nationales. En commençant, je sais que tu es à l'animation, donc je commence par la Copa del Rey. Et la Coupe du Roi, donc en Espagne, la seule Coupe nationale qui comporte une phase aller-retour. La fameuse compétition promise à Madrid pour la royauté, évidemment, mais c'est pourtant le Barça et Bilbao qui possèdent le meilleur palmarès. Assez ironique quand on sait que ce sont les clubs les plus indépendantistes de l'Espagne. Cette édition 2019 verra s'affronter en demi-finale le Betis, Séville et Valence. Et de l'autre côté, c'est le Classico entre le Barça et le Real, justement. Est-ce que ça sera l'année du Real cette année qui ne l'a pas gagné depuis 4 ans? C'est possible, malgré le calendrier compliqué en février pour les madrilènes, un calendrier assez chargé. Les matchs se joueront d'ailleurs cette semaine pour les intéressés, pour ceux qui veulent le voir de la Copa del Rey. Je poursuis, à moins que vous vouliez réagir peut-être sur la Coupe du Roi. Oui, juste, je rebondis sur ce que tu dis, Flo, pour préciser qu'effectivement on va avoir la chance, hein, on peut le dire, même si je peux avoir un petit peu peur au vu de la dynamique de la saison, d'avoir trois classicos en un mois. Il y avait bien sûr celui de championnat, et donc le Barça et le Real, dès cette semaine, à Barcelone, se joueront match aller-retour, comme cela se fait de coutume en Copa del Rey. Surtout que pour le Real, ça peut être important vu la saison compliquée qu'ils ont. Et là, prendre une revanche, surtout qu'ils vont mieux en ce moment, hein, ils sont sur une bonne série, c'est vraiment un match important, quoi. Oui, surtout pour les madrilènes qui depuis quelques années aimeraient reprendre un peu la Coupe du Roi, un peu celle, la coupe qui leur est promise. Il y a la Coupe de France aussi, nous sommes au stade des huitièmes de finale pour cette Coupe de France qui se jouera aussi cette semaine, dès demain à vrai dire, donc avec Nantes, Toulouse Football Club, Rennes contre le LOSC, Guingamp, je ne sais plus quoi parce que j'ai mis le LOSC également, donc je pense que le LOSC ne jouera pas deux fois, je doute. Je doute également. À noter donc, c'est pour ces chocs de Ligue 1. Le PSG ira lui en déplacement chez l'Ogre, le Football Club Villefranche sur Saône Beaujolais, ou FCVB pour les intimes. Voici un peu pour cette Coupe de France. On est encore en 8e de finale, on est encore un petit peu loin. Il y a aussi la Coupe de la Ligue BKT. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous savez ce que c'est un peu BKT ou pas du tout? Ah ben, tu vas pouvoir m'éclairer, parce qu'effectivement je me suis pas renseigné sur la question. Non plus. Tronçonneuse peut-être, j'en sais rien. Non, mais moi je ne sais pas non plus. On encourage les auditeurs à aller nous chercher ça. Non, je crois que c'est des freins ou des pneus, ou un peu un truc du genre quoi. Donc la finale, vous l'avez tous, j'en suis sûr, ça se jouera à Pierre-Mauroy à Lille le 30 mars entre l'Est, Strasbourg, et l'Ouest, Guingamp. Deux équipes surprises dont l'une, je le rappelle, sera qualifiée en Europa League la semaine prochaine. Une pensée pour Monaco qui aurait pu aller la chercher et qui n'ira pas. Et je pense que c'est une saison assez noire pour qui malgré leur mauvaise saison, avait sans doute une belle opportunité de remporter une coupe, tant on sait que c'est difficile habituellement avec le Paris Saint-Germain qui assomme la concurrence dans les compétitions nationales. Surtout qu'il n'y a pas d'autres grosses équipes, Lyon ou peut-être Marseille, enfin, entre guillemets, hein, cette année, mais c'est vrai que Monaco a pu aller chercher quand même. Sur le match, il faut que les Montpellierains supportent Strasbourg. Pourquoi? Parce que Strasbourg est actuellement 5e peut-être ou 6e. Et en fait, c'est assez important pour que la 6e place soit européenne. Il faut que Strasbourg gagne et qu'à la fois soit dans les 6 premiers. Et ça pourrait peut-être permettre à Montpellier d'être qualifié d'être européen en étant 6e. Donc c'est assez important pour nous que Strasbourg gagne. Sachant qu'effectivement, Montpellier pour le moment oscille entre la 5e et 8e place. Donc pourrait jouer effectivement l'Europe. La FA Cup, un peu de retard pour les Anglais en coupe. Les premiers quittaient l'Europe, mais les derniers à finir leur coupe. Nous sommes au 5e tour, soit les 8e de finale, même s'il reste des replays à jouer. Je vous passe les rencontres, une seule qui a noté, après avoir eu une moule énorme ces dernières années en coupe. Je pense que Manchester United a pris Arsenal, puis donc Chelsea cette fois-ci en 8e de finale de FA Cup. À noter donc également la grosse hécatombe quand même des clubs de première ligue dans cette édition. Je crois qu'il reste en gros, je crois, 7 sur 20 clubs de première ligue, ce qui est assez léger quand même pour des 8e de finale. Dès quel tour, rappelle-nous, Flo? Là, c'est les 8e de finale, on arrive. Effectivement, donc, ça fait assez juste. Tottenham qui a été d'ailleurs éliminé pour les gros. Oui. Et Arsenal du coup par Manchester United. Au niveau de la Carling Cup, c'est parce qu'il y a aussi inutile que notre coupe de la Ligue à nous, c'est la Carling Cup. La finale se jouera également très tôt cette année, et non pas en mars comme en France, mais le 24 février, donc bientôt entre Chelsea et Manchester City. Ça reste tout de même une belle finale où il faudra suivre un certain Gabriel Jesus, meilleur buteur de la compétition. Il reste deux compétitions, c'est la Coppa Italia pour les fans de football italien, qui a réservé quelques surprises, n'est-ce pas Florian? Oui, en effet, d'ailleurs je vous incite à regarder un peu les matchs sur YouTube, puisque c'est gratuit sur YouTube, sachant que maintenant le foot c'est assez compliqué de le voir gratuitement. Assez intéressant quand on voit les beaux matchs et les gros scores de ces quarts de finale. Le Milan s'impose 2-0 contre le Napoli, à noter le doublé de la nouvelle recrue Piatek à Milan, tout simplement. L'Atalanta qui crée la surprise en s'imposant 3-0 contre la Juventus, la Lazio qui s'impose au pénalty contre l'Inter, et enfin la Fiorentina qui rappelle les heures sombres de la Roma en s'imposant 7-1. Oui, donc je me permets de faire une petite comparaison, parce que le 7-1 c'était United contre la Roma en Ligue des Champions en 2006. Donc voilà, un petit grosse défaite de la Roma. Prochain match de la Coppa Italia, c'est le 27 février avec Milan-Lazio et Fio-Atalanta en match aller-retour. Enfin, la dernière compétition romaine, c'est la Pokal. C'est la Coupe d'Allemagne d'ailleurs, avec Alex qui arrive. On parle d'Allemagne tout de suite, il est là. Ultra synchro. Hein. C'est donc le nom de la Coupe d'Allemagne de football. Là aussi, on est assez loin de la finale avec un troisième tour, synonyme de 8e de finale. Et là aussi, de nombreux clubs avec des noms à coucher dehors, hein, il faut le dire. À noter peut-être trois chocs, si on peut appeler ça comme ça, entre Dortmund, le Werder, Leipzig et Wolfsburg, et le Hertha Berlin contre le Bayern Munich. Et tous ces beaux matchs se joueront également cette semaine. voici pour le gros point de cette coupe, et de ces coupes nationales. Et ça valait le coup parce qu'effectivement, alors que je ne l'ai pas précisé, nous en sommes à la 20e émission, nous n'avions pas évoqué jusqu'à présent les coupes nationales, donc ça permet de situer un petit peu nos auditeurs, mais on sait bien que ne serait-ce que sur le football, il y a un programme assez relevé. Nous allons peut-être revenir effectivement juste sur deux matchs. Là où pourront réagir peut-être nos invités. Mais où on pourra réagir avec nos chroniqueurs du soir. Avec Corentin et Alex. Deux rencontres de ce week-end en championnat cette fois-ci. Un match qui avait lieu en France et un match en Angleterre. Oui, je vais commencer avec le match en France. C'était évidemment le match de dimanche soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et victoire une nouvelle fois de l'Olympique Lyonnais face au PSG 2 buts à 1. Di Maria pour les Parisiens, Dembélé et Fekir pour sur penalty pour les Lyonnais. À noter tout de même que Lyon aurait pu être à 10 suite à un tacle assez grossier, tout de même, il faut le dire, de Nabil Fekir sur la nouvelle recrue du PSG, Leandro Paredes. Question pour vous, est-ce que le match d'hier de l'Olympique Lyonnais a-t-il peut-être relancé ou donné plus d'espoir aux Lyonnais pour à moins de deux semaines du choc contre le Barça en Champions League? Bon, il faut pas être utopiste, je pense pas que ça a donné quelconque espoir. Hein. Mmh. Je pense que 95% ça sera le Barça. Mais bon, ça les met en confiance. Et à l'inverse, je pense que c'est beaucoup plus destructeur peut-être pour le PSG que peut-être pour l'OL qui en soi n'a rien, enfin, a tout à gagner et rien à perdre. Par contre, le PSG, il se retrouve avec Manchester qui est sur une énorme série, hein, et eux qui vont moins bien là depuis quelques temps. Élimination contre Guingamp, on en a parlé avant. Là encore, cette défaite. Surtout que Lyon, ça commence à être un peu une bête noire du PSG avec beaucoup de. Trois victoires en championnat d'affilée, ouais. Si je ne me trompe pas. Enfin, chez eux en tout cas. On se rappelle du mug l'an dernier, ouais. Notamment, qui avait fait pas mal parler. mais voilà, du coup, c'est vraiment pour le PSG que ça commence à poser problème pour la Ligue des Champions. Quel milieu va aligner le PSG? Ça, c'est la vraie question, quoi. Alex, peut-être y avait une petite réaction, Alex, ce que j'ai dit. Ouais, enfin, je pense que non, je pense quand même que le Barça reste favori. Après, ce qui aurait été préjudiciable pour le PSG, c'est peut-être de perdre Leandro Paredes à peine arrivé. Paf, il se fait les croisés, ça aurait été sympa. Ouais. Hein. Avec une grosse faute, effectivement, de Nabil Fekir. Ouais, c'est rouge, hein, il faut quand même le dire, hein, monsieur Turpin, encore. L'arbitrage chapeau de l'Olympique Lyonnais, bon, ça c'est un autre débat, mais non c'est après, un Marseillais qui vous parle quand même, ouais c'est vrai, j'assume, mais non après je pense que le PSG ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça sera compliqué grâce au regain de forme de Man United maintenant. Lyon Lyon fera un grand match. Après, le Barça est favori, voilà. Justement, tu nous parles de Man United et nous allons aller du côté de l'Angleterre. Exactement, peut-être. Avec un autre gros choc de ce week-end, c'était City contre Arsenal. Et Arsenal n'a pratiquement pas existé à l'Etihad Stadium ce dimanche, 3 buts à 1. À l'image du duo Lacazette-Aubameyang, l'équipe d'Unai Emery a été menée au bout de 48 secondes. Le joueur de match, évidemment, Kun Agüero, avec un triplé à la clé. City est à 2 points derrière Liverpool, mais ces derniers, donc Liverpool, a un match au moins. Question plutôt sur Arsenal cette fois-ci. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque aux Gunners quand même pour gagner ce genre de match important face à des gros? J'ai l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Un cycle qui semble se répéter, en tout cas, effectivement, les Gunners, depuis des années, qui ont des difficultés contre les grosses écuries du championnat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est vrai que lorsque je vois ce type d'affiche entre Arsenal et un autre gros du championnat, que ce soit City ou une autre équipe, j'ai toujours du mal, effectivement, maintenant, à voir Arsenal être capable de se sortir du lot, et on peut se demander ce qui leur manque, réellement. Après, la question, c'est, est-ce que Arsenal est encore au niveau de Manchester City? Est-ce que leur effectif n'est peut-être pas un peu en dessous? Surtout que ça fait des années que c'est comme ça, on le dit. C'est peut-être. Bon, ça reste un très grand club, un très bon club. Mais c'est peut-être deuxième chapeau, entre guillemets, en Angleterre, quoi. Après, il y a certaines équipes qui peuvent aller des fois chercher gros. Mais c'est vrai qu'Arsenal, j'ai l'impression que. Sur la durée, c'est peut-être plus compliqué. Ils peuvent faire des coups. Mais après, ouais, sur la durée. Après, ça reste quand même une équipe du top 5, anglais, quoi. Faut quand même. Top 6. Mais c'est vrai qu'à un moment, on parlait du Big Four en Angleterre et Arsenal était un peu inamovible. Et maintenant, justement, on commence à s'éloigner en disant top 5, top 6, top 7 peut-être bientôt. Donc. Bon, après, peut-être qu'ils sont entrés depuis la fin de l'Arsène Wenger, on va dire, ils sont entrés en phase de reconstruction et reconstruire un club, entre guillemets, même si ça prend du temps. Et je pense qu'il leur faut un petit peu de durée avec Emery, on verra l'année prochaine, quoi. Effectivement, je pense qu'on a été assez précis sur le football ce soir. Précis, concis sur le football. Voilà, et on s'est permis de se faire un petit peu plaisir, mais il y avait une grosse actu football. Nous allons enchaîner, si tu me le permets, Alex, sur le rugby, avec le gros événement de ce week-end. C'était le début du tournoi Destination et nos Français et Françaises qui sont rentrés en lice. Tout à fait. Donc je vais quand même démarrer par les autres matchs très brièvement avant de davantage développer le 15 masculin et féminin. Du coup, on a eu un petit Écosse-Italie à Murrayfield avec une victoire 32-20 du 15 du Chardon sur la Squadra Azzurra qui a terminé la rencontre avec panache, avec 3 essais. La grosse affiche du week-end, et qui était peut-être la finale du tournoi avant l'heure, Irlande-Angleterre à l'Aviva Stadium de Dublin, avec une victoire 32-20 du 15 de la Rose, qui, moi, à titre personnel, m'a impressionné. Énorme défense, débauche d'énergie, Henry Slade formidable au centre. Ils ont vraiment frappé un gros coup, et je pense que là, maintenant, c'est eux les favoris. Et forcément, là, je vais faire la petite transition. Le prochain match du 15 de France, c'est à Twickenham. Ça peut faire peur parce que l'équipe de France, justement, a perdu pour son premier match à domicile face au Pays de Galles. Défaite 19-24, donc, avec une victoire des Gallois. Défaite encourageante, hein. Non, alors moi, justement, j'ai pensé à dire défaite rageante. Oui, voilà. C'était l'ironie, mais, évidemment. Mais alors, par contre, pour rebondir sur encourageante, quand même, la première mi-temps a été de très très bonne facture. 16-0 à la mi-temps, vraiment un très bon Camille Lopez, ça m'arrive pas souvent de le dire donc j'en profite. Arthur Ituria a été très bon, mais lui sur toute la rencontre. Puis après on a eu le moment boulette avec la première boulette de... Enfin d'abord le premier essai gallois quand même, qui les relance un peu, puis aussi quand même la boulette de Johan Hugé. Même si sacrée boulette là quand même. Ouais, mais alors après moi je serais moins dur sur Hugé parce que les conditions climatiques et du coup un Irlandais a fait pire que lui. Par contre la passe de Vaamaina, là c'est faute professionnelle. Passe sautée quand t'es deuxième ligne. Georges Nors, j'étais devant ma télé, je l'ai vu, j'ai fait ah il va la prendre. Ah oui, non mais c'était direct. Il est très bon dans le domaine aérien et il a planté, c'était cramé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les encourage à revoir cette passe et à l'image de ce que dit Alex. D'ailleurs, ce sera le son de la semaine, comme le dit Flo. Personnellement, pareil, je l'ai senti venir de loin et là, pour le coup, c'est une passe qui est interdite au niveau international pour le 15 de France. Je trouve que tu es un peu sympa avec Hugé parce que sur le coup des Irlandais, parce que je l'ai vu laisser gag un peu. Du côté des Irlandais qui ont fait la même chose, l'Irlandais je ne sais plus lequel qui a fait une petite boulette était quand même bien sous pression, beaucoup plus sous pression que UG qui avait quand même une quinzaine de mètres d'avance pour aplatir tranquillement son but. Non, quand même 15 mètres, il y a quand même les conditions climatiques, mais après moi je voulais vous poser la question donc, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps ils sont éteints. Il faut savoir que c'est la première fois dans le tournoi qu'une équipe qui mène 16-0 à la mi-temps perd. Et moi je voulais vous poser deux questions du coup. Est-ce que le coaching de Brunel a-t-il été défaillant pour vous? Et aussi, est-ce que ses choix tactiques avant et pendant la rencontre sont-ils critiquables ou discutables, comme vous voulez? Je commence. Oui, n'hésite pas. Ah oui, parce que moi, c'est pour moi le. Prêt à réagir. Ah oui, c'est le. Exactement. C'était le problème numéro 1 de l'équipe de France sur ce match. Alors j'ai pas tendance à critiquer les entraîneurs, loin de là. Sur ce coup-là, il y a des changements qui ont été incompréhensibles pour moi. Surtout faire sortir Penaud, pour moi qui n'a pas été mauvais, si ce n'est peut-être l'un des meilleurs de l'équipe de France sur ce match-là. J'étais assez surpris, même au début d'ailleurs, avant le match, de voir que Bastaro n'a même pas été sur le banc. Alors, il y en a qui aiment Bastaro, il y en a qui n'aiment pas. J'étais plus surpris de l'absence d'Antoine Dupont. Voilà, moi je pensais à ça. Ouais. Mais Bastaro, c'est un très bon impact player sur ce genre de match. Il n'a pas tort, hein, c'est vrai aussi. Donc, j'aurais bien voulu le voir à la place du remplaçant de Penaud, je ne sais plus lequel. Enfin, non, quoique c'était Ficou. C'était Ficou, même si Ficou, j'aime beaucoup également. Mais justement, Tu peux mettre 2-3 quarts en place. Petite précision, s'il vous plaît, messieurs, c'est concernant effectivement les remplaçants. Donc, Ficou était placé pour remplacer Penaud, mais justement à l'aile, mais ce sont deux centres de formation. Et c'était Geoffrey Doumerou du coup qui prenait véritablement la place de du Pixinou, bien sûr, on a beau l'aimer, qui vient du Pixinou, qui prenait la place de Bastaro dans les 23. Ouais, donc c'est clair, moi j'ai pas compris au niveau de ça. Donc moi je pense que c'est Brunel, et surtout pour une autre chose au-delà des remplacements, comment on peut perdre à ce point le match à la mi-temps, quoi. C'est-à-dire à la mi-temps, on mène 16-0 et on fait quelque chose d'énorme avant la mi-temps, c'est de mettre un drop qui quand même assomme un peu, je pense, les Gallois juste avant la mi-temps. Quel était son discours à la mi-temps? Franchement, je peux pas me l'imaginer tellement l'équipe de France a sombré. Pas en une mi-temps, hein, a sombré en 10 minutes. En 10 minutes, c'était terminé. Ah ouais, ouais. On était déjà derrière. Après la 50e, c'était fini. C'est, ouais. Donc je vois pas. Je pense que c'est là, c'est un problème de coaching. Pas de coaching, mais de meneur d'homme, tout simplement. Brunel sur pour, ce coup. Pour moi, il y a bien sûr du coaching, mais si on parle beaucoup de faillite mentale, c'est vrai qu'elle y est, et je pense qu'il y a un syndrome de la lose autour de l'équipe de France, de perdre les matchs, d'être jamais capable de les tuer, même moi-même en tant que spectateur, effectivement, à la mi-temps, ce que j'avais signalé via notre groupe Le Café du Commerce, je m'étais régalé, mais je pensais pas du tout le match gagné, effectivement. Même à 16-0, oui, parce que je me suis dit tout est possible, d'autant plus. Ils ont fait rater leur charnière titulaire, Bigard et. Comment il s'appelle, Wells, ouais, je sais plus comment. Au demi de mêlée, là. Ouais, ouais, ouais, effectivement. Davis. Davis. Et puis aussi, par contre, tu parles du coaching, mais je pense que c'est lié aussi avec le physique. Je trouve que nos joueurs, et ça c'est dû au top 14 aussi, ne sont pas armés jusqu'à présent pour jouer sur 80 minutes, ce qui est un grave problème, ouais. Parce que voilà, à jouer à haute intensité au niveau international, on change nos joueurs plus tôt dans les matchs que les grandes nations, quitte même à faire souffler. Alors que bon, au niveau international, ça devrait peut-être pas se passer, nos cadres dans un match à enjeu comme celui-ci, à la 50e ou 60e, et certains choix de fait ensuite se sont montrés défaillants. Ah, parce qu'on n'a pas parlé de Sorin aussi, quoi, qui était. Qui était assez déplorable pour son entrée, malheureusement. Après, l'absence de Dupont, pour moi, c'est la question numéro un. Enfin, après, comme tu disais une fois. Ce qui n'est pas contre Baptiste Sorin, on est d'accord. Non, mais son rôle, c'est clair. Moi, en fait, c'est justement. Moi, je trouve que. Bon, après, je comprends pourquoi il met Parra, Lopez, le côté automatisme, clairement, etc. Mais comme on en avait déjà discuté lors d'une précédente émission, moi, comme tu disais, Romain, Antoine Dupont, un impact player. Il peut être bien, mais pour moi aujourd'hui, quand tu vois ses performances, quand tu vois son profil, c'est un demi de mêlée, il va plus vite quasiment qu'un ailier. Ne pas l'aligner sur la feuille de match, c'est incompréhensible, quoi. Se priver d'un joueur comme ça qui peut te prendre le ballon, aura des regroupements, partir, c'est. Et puis après, le Camille Lopez, pourquoi il a pas de 10 remplaçants? Alors certes, ils sont pas terribles, mais pourquoi tu prévois pas? Parce que quand il est fatigué, justement, peut-être que le soulager en mettant quelqu'un d'autre, quitte à le refaire rentrer après dans le match. C'est après, ça c'est des choix de remplacement. On va pas refaire non plus toute l'équipe de France. Le temps ne nous le permettra pas. Mais de fait, souvent les coachs, notamment en France, font le choix sur le banc de mettre un numéro 9 ou un numéro 10, sachant qu'en France, on a souvent eu une relative polyvalence à ce poste. Après, effectivement, dans l'effectif, bon, on a Bello, hein, qui n'a pas été mis sur la feuille de match. Peut-être le sera-t-il lors de la prochaine feuille de match. Ou, pourquoi pas, imaginer aussi une arrivée dans cette feuille de match. Moi, j'en serais curieux de Thomas Ramos, qui est un joueur très polyvalent et qui joue actuellement, même s'il y a eu retour de Zach Holmes, bien sûr, hein, mais qui a joué une paire de matchs en tant qu'ouvreur. Alors qu'il est arrière de formation. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai très peur du prochain match. Hein. Nous allons parlant des remplaçants, on va avoir Vanipola face à Bamba, quoi. Ouais, ça peut être particulier. Et je laisse peut-être Alex enchaîner très rapidement, sur le rugby féminin, surtout que ce match se jouait à Montpellier quand même. Tout à fait, au GGL Stadium, les filles gagnent, contrairement aux garçons, ça fait plaisir. Donc elles ont atomisé le Pays de Galles 52-3 avec 9 essais à 0. Hein, donc on a mis une fessée aux Gallois, aux Galloises du coup. Mais c'est quand même réconfortant. Et elles sont quand même tenantes du titre en ayant fait le grand chelem lors de la précédente édition. Et donc du coup, je pense qu'elles ont bien, avec cette victoire, elles ont lancé leur tournoi. Le prochain match, du coup, j'en parlais dans l'agenda, mais c'est pareil, c'est face à l'Angleterre. Et je pense que si elles gagnent les Anglaises à Twickenham, seront bien parties pour faire le grand chelem aussi, nos Bleus. Et on leur souhaite le meilleur, mais effectivement, a priori, elles ont plus les armes pour faire tomber les Anglaises, qui sont très fortes aussi, hein, oui, attention, que sans doute nos garçons, notre 15 de France. L'an dernier, c'était joué à un point de mémoire entre l'Angleterre et la France. Donc, c'est un peu tendu. Et ça joue donc à Twickenham aussi Non, à Twickenham aussi. C'est le même calendrier. C'est comme les moins de 20 ans aussi, juste qu'ils ont gagné aussi contre les Gallois 32-10. Hein, et pareil, d'accord, elles vont jouer dans le stade. Justement, je pense que la précision de Flo, et là j'en suis pas certain. Mais Tu parles du stade. Je ne pense pas. Ne serait-ce que pour une question, effectivement, pour le moment, de spectateurs qui viennent au rugby féminin. Souvent, ils les font jouer dans les stades des clubs des WASP ou. qui valent le détour d'ailleurs. Voilà. Quand même, je vous encourage à connaître ça. Moi-même, je serais bien curieux d'aller voir un match de Premiership en Angleterre, dans un pays passionné de rugby. Si j'ai le temps de rebondir sur le rugby féminin, il y a une petite donnée qui est sympa niveau stade, c'est qu'il y avait quand même 8000 personnes à Montpellier, ce qui est vraiment pour le rugby féminin énorme. J'ai fait une petite recherche, ça monte jamais en Angleterre par exemple plus que 6600. Il y avait un match l'Irlande a joué devant 4000 spectateurs, donc quand même ça montre qu'il y a une affection pour cette équipe qui commence à monter. Ouais. Voilà. À l'inverse du rugby masculin, oui, ça baisse. Parce que là il y a une donnée que j'ai aperçue dans la semaine qui m'a vraiment interpellé. Il y a 71% des Français qui ne sont pas capables de citer un seul joueur de l'équipe de France de rugby. Donc c'est une donnée qui fait mal. Et le plus connu donc c'est Bastaro avec 12,5% des Français qui est pas le plus jeune. Donc ça fait longtemps qu'il est là. Donc ouais. Et si on prend sur la jeunesse, le deuxième c'est Para quoi. Voilà. Donc, bon, il y a Picamol aussi. Donc bon. Ouais. Bon, c'est les trois, le trio quoi. À méditer pour nos instances du rugby, mais effectivement des données intéressantes à avoir en tête aujourd'hui. Donc exceptionnellement ce soir nous n'allons pas parler de NBA, ce qui nous a permis de détailler beaucoup sur le rugby et le football, et j'enchaîne du coup sur d'autres disciplines qu'on n'a pas évoquées dernièrement mais qui touchent au sport d'hiver, hein, c'est la période, et on reviendra sur le ski alpin dans le débat du jour comme je vous l'avais dit. Je démarre avec une compétition qui a eu lieu la semaine dernière. On va être sur les disciplines freestyle cette semaine. C'est un peu le FIS des sports d'hiver. C'est le FIS, on peut dire, des sports d'hiver, la compétition numéro 1 de ces sports freestyle qui avait lieu du côté d'Aspen aux États-Unis. Pour vous donner les principaux résultats, le Canadien Mark McMorris a décroché son 8e titre au Winter X Games en s'adjugeant l'épreuve de snowboard slopestyle. 8 médailles d'or dans cette discipline, c'est quand même quelque chose d'énorme. En l'absence de Sean White et d'Ayumu Hirano, c'est Scotty James qui a été médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques, favori de l'épreuve du Superpipe, qui a assumé son statut et remporté l'épreuve. Sur l'épreuve de ski Superpipe, cette fois-ci, à noter que le Français Kevin Roland a terminé au pied du podium, 4e à Aspen. Lui qui a dû faire face à plusieurs blessures revient peu à peu au meilleur niveau dans sa discipline. C'est l'Américain David Ferreira qui s'est imposé devant son compatriote David Wise et le Néo-Zélandais Nico Porteus. Je crois pas forcément dans le même ordre, mais que c'était les mêmes skieurs sur le podium des derniers Jeux Olympiques. Chez les femmes en ski, c'est la Canadienne Cassie Sharp, également médaillée d'or aux Jeux Olympiques, qui a remporté avec 94 points l'épreuve du Superpipe devant la jeune prodige estonienne Kelly Sildaru. Je vais d'ailleurs m'attarder très brièvement sur celle-ci, mais parce qu'elle a quand même une trajectoire assez exceptionnelle. Elle a été également médaillée d'argent, donc effectivement dans cette discipline, mais elle s'est surtout imposée dans la nuit de vendredi à samedi dans l'épreuve du slopestyle avec la note exceptionnelle de 99 points sur 100. Performance extraordinaire, c'est un record, qui lui a permis de s'imposer devant Sarah Öflin et Maggie Voisine. Et à noter que l'estonienne Kelly Sildaru n'a seulement 16 ans et est devenue la première skieuse à remporter 3 médailles lors d'une seule et même édition des X Games. Ça place la championne. Elle va se faire naturaliser américaine, celle-là. Exactement. On reviendra sur nos Français avec les championnats du monde, notamment pour Tess Le Deux, qui a moins réussi du côté des X Games, mais qui s'en sort bien au championnat du monde. En slopestyle, enfin, pour terminer sur les X Games, c'est l'Américain de 20 ans Alex Hall qui a brillé comme à son habitude grâce à un excellent run noté à 95,66 points. Le seul rider qui est parvenu à concurrencer véritablement l'Américain, c'est le Canadien Alex Beaulieu-Marchand. Et c'est le Norvégien Ferdinand Dahl qui complète le podium. Voilà, c'était l'occasion de mettre en valeur ces disciplines. Est-ce que tu sais si Sean White est toujours Sean White toujours en activité, mais qui n'était pas justement qui ne participait pas à cette compétition. Et en halfpipe, c'est ce que je disais, c'est Scotty James, l'Australien, qui s'est imposé. Et donc les deux stars de la discipline, Sean White, l'Américain, et Hirano, qui a été aussi champion olympique, le Japonais, n'était pas présent, ce qui a permis à l'Australien de prendre la lumière, j'ai envie de dire. J'en profite justement pour vous poser une petite question à ce sujet, c'est de vous demander finalement, c'est qu'avec leur inscription au JO d'hiver, est-ce que vous pensez que les disciplines freestyle sont petit à petit en train de se démocratiser, de prendre de place dans le paysage du ski mondial, à l'image de ces stars qu'on cite, Sean White ou d'autres, et de la médiatisation croissante. On voit par exemple que la chaîne L'Équipe a diffusé cette semaine les X Games et ensuite les championnats du monde. Qu'en pensez-vous de ces disciplines, messieurs ? Bah moi, je pense que c'est lié, j'en rigolais un petit peu avec les États-Unis, mais c'est lié aussi à la médiatisation des États-Unis sur ça, sachant qu'ils ont des athlètes, notamment dans les X-Games, qui ont de l'avenir. Je pense notamment à Chloé Kim, la jeune américaine, qui, on parlait de précocité, je pense qu'elle a, je crois, 17 ans ou 19 ans, 18, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'elle est encore mineure et qu'elle a déjà des médailles olympiques. Moi, je pense que ça va se démocratiser encore un petit peu plus, surtout que c'est assez télégénique. Par rapport peut-être à ce qui est alpin, peut-être pour certains, pour le grand public, qui est assez ennuyant, parce qu'au final il y a peut-être c'est moins télégénique, je trouve, que tout ce qui est freestyle, donc je pense que ça va arriver petit à petit, ouais, surtout pour les JO. Et effectivement, on peut se demander aussi si finalement, au vu de la précocité, cette précocité pourrait pas être un gage de performance. Moi, je le pense un petit peu dans les disciplines freestyle, ne serait-ce que parce qu'il y a un côté casse-cou, hein, pour le dire, dans ces disciplines, où il faut oser pour réaliser les figures qu'il faut. On s'empêche pas, bien sûr, hein, qu'il y en a certains qui ont un certain âge et qui, justement, performent encore au plus haut niveau. Je fais le pont, du coup, avant de passer aux autres sports, sur les championnats du monde, parce qu'il y avait les championnats du monde dans la foulée, la semaine après l'X Games, assez surprenant, je trouve, d'ailleurs, comme calendrier, qui avait lieu aussi aux États-Unis du côté de Park City aux USA, ce qui montre bien que ces disciplines, on le vend en poupe, surtout sur le continent américain, avec du ski cross, deux belles médailles pour les Français, une médaille d'or pour François Place, qui est devenu champion du monde de ski cross à Solitude pour sa deuxième participation aux mondiaux. Le Français a ainsi pris parfaitement le relais des autres favoris français, le champion olympique Jean-Frédéric Chapuis, éliminé en demi-finale et finalement cinquième, et Bastien Midol, numéro 1 mondial, éliminé dès les quarts de finale. Après avoir passé brillamment les différents tours de qualification, le Français a devancé en finale deux Canadiens, ça fait plaisir, Drury et Brady Lehmann, champion olympique en titre. Chez les féminines, médaille également, médaille de bronze pour la skieuse d'Orcières Merlette, Alizée Baron, qui donc a remporté la médaille dans cette discipline, remportée par la Canadienne Marielle Thompson devant la Suissesse Fanny Smith. En big air, c'est la jeune skieuse savoyarde de la Plagne, Tess Le Deux, je vous ai dit, qui s'est bien relancée et qui est devenue à 17 ans à nouveau championne du monde de freestyle pour la deuxième fois, après son titre en slopestyle en 2017 en Sierra Nevada en Espagne. Son titre est le premier titre mondial de l'histoire en big air, remporté avec 184,75 points devant l'américaine Julia Crass et la britannique Isabelle Atkin. Mercredi, elle tentera de conserver son titre en slopestyle, l'épreuve n'a pas encore eu lieu, alors qu'elle restait donc sur des X Games assez décevants, comme je vous l'avais dit, 4e en big air, 7e en slopestyle. Elle n'a pas mis longtemps à se remettre en selle. Enfin, du côté du snowboard cross, je rentre pas cette fois-ci dans le détail pour qu'on puisse parler de nos autres sports, mais ça a été un bilan beaucoup plus contrasté avec nos Français qui ne sont pas parvenus malheureusement à réaliser des médailles. Les titres sont revenus à des Américains, Mick Diardoff en border cross et Lindsay Jacobellis chez les filles. Et donc ça, c'était en par équipe, Mick Diardoff donc en individuel, et enfin la Tchèque Eva Samkova en individuel. Nos Françaises donc Pereira de Souza, Chloé Trespech, Nelly Moen-Lokoz et le Français aussi Loan Bozzolo ne sont pas parvenus à monter sur le podium. À noter malgré tout que Charlotte Banks a réalisé la médaille d'argent lors des JO de 2018 de Pyeongchang. La franco-britannique était sous pavillon français et désormais passée anglaise, donc cette médaille est dans l'escarcelle de la perfide Albion. J'aurais pas comme aimé la connaître en 1200. ouais, difficile quand même ces franco-britanniques, hein, voyez-vous. Ouais. Mes félicitations malgré tout à elle. Nous passons donc aux autres sports, on va en évoquer 5. Yes. Je vais aller assez rapidement. on va aller assez rapidement, mais on va s'en sortir au vu de ce qui nous reste au programme, avec un premier sport, et c'était un événement, l'événement mondial, le Super Bowl. En effet, les New England Patriots ont remporté dans la nuit de dimanche à lundi le 53e Super Bowl en dominant donc les Los Angeles Rams au terme d'un match assez étriqué, 13-3, et pas réellement très enthousiasmant non plus. On a d'ailleurs renommé la rencontre Super Bore, super ennuyant. Il faut dire qu'avec 16 points cumulés, soit le total le plus faible de l'histoire, qui était à 21 points jusqu'alors, et un seul touchdown, les Patriots Patriots et les Rams, pourtant les meilleures attaques de la ligue, n'ont pas franchement régalé les fans du monde entier. Qu'importe pour la franchise de Boston, avec ce sixième sacre, elle devient la plus titrée ex aequo avec les Pittsburgh Steelers. Une performance encore plus remarquable en sachant que sa première victoire ne remonte qu'à 2002 pour les Patriots. Une fois n'est pas coutume, c'est Julian Edelman, receveur des Patriots, qui a été nommé meilleur joueur de ce 53e Super Bowl. Mais c'est bien vers le quarterback vedette des New England que les projecteurs étaient encore tournés. La légende, évidemment, Tom Brady, le leader offensif des Patriots, est devenu le premier joueur à remporter 6 bagues, soit une de plus que Charles Haley, après 9 finales disputées. Et donc à 41 ans, il est aussi le quarterback le plus âgé à soulever le trophée. Je sais pas ce que vous en avez pensé un petit peu de... Je crois que tu l'as regardé, Romain, de ce match. Ouais, je l'ai regardé assez tardivement, jusqu'à 3h du matin. Donc j'ai vu les 3 premiers cartons. Bravo. Et un peu déçu, hein, comme tu le disais, parce que d'un point de vue sport-spectacle, ce qui fait ce que sont les États-Unis et leur rapport au sport. Surtout pour le Super Bowl. Hein. Et le Super Bowl tout particulièrement. Ben voilà, le score étriqué était assez décevant. Hein. Moi, quand je suis allé me coucher à 3h du matin, messieurs, il n'y avait que 3 partout. Et donc, ça s'est décanté dans le dernier quart temps. Il y avait 3-0. Match très tactique. Hein. Je pense que certains passionnés de Super Bowl et de football américain y ont trouvé leur compte. Mais pour les personnes qui souhaitaient découvrir cette discipline et le Super Bowl, un petit peu plus difficile, même si le show avec le fameux show à la mi-temps tenu par Maroon 5 a tenu toutes ses promesses, mais comme tous les ans finalement. Un bon match de Ligue 1 quoi. Ouais, voilà. Exactement. Ligue 2 même, on peut dire. Nous passons donc à un tout autre sport avec les championnats du monde de cyclo-cross qui avaient lieu du côté du Danemark. Si je me oui, pas. C'est pas la même chose. Hein. Cette fois-ci, on va l'évoquer très rapidement parce que c'est les championnats du monde espoir. À noter uniquement que chez les femmes, les Néerlandaises ont encore pour très longtemps dans le palmarès du cyclisme et non pas uniquement sur piste ou sur route, car en cyclo-cross, ce sont les jeunes Néerlandaises qui ont pris les 3 premières places tout simplement. Ouais, ça coche du sport national là-bas. Oui, c'est clair. Chez les garçons, victoire du Britannique Tom Pidcock devant le Belge Elie Iserbeit, surtout un Français qui est troisième, Antoine Benoît, le champion de France d'ailleurs, qui a donc décroché le bronze sur le circuit de Bogens, en effet au Danemark. Je profite pour préciser, parce que tu n'as pas dû le voir, mais il n'y a pas de souci, que dans la course élite, il y avait aussi les élites. C'est le champion du My monde, bad. Mathieu Van Der Poel, pardon, néerlandais, à nouveau, qui l'emporte devant deux Belges, Wout Van Aert et Toon Aert. À noter que ce soit Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, on les retrouvera comme des talents également sur route lors de la saison à venir. On parle de jeunes, je parle de jeunes, c'est pour ça. Mais c'est important les jeunes, tu as raison, et en plus il y avait une médaille française. En effet. Et on reste avec des roues, mais cette fois-ci c'est un autre événement, un événement de nordistes, un événement de Florian, j'ai envie de dire. Je pouvais pas le louper. Avec l'enduropale du Touquet. En effet, c'est à 24 ans, Nathan Watson chez KTM qui est devenu le premier britannique à s'imposer sur l'enduropale. Donc encore un britannique qui s'impose en France, décidément. Grosse déception pour le français Milko Potisek qui était quand même favori et qui est cassé juste avant l'arrivée. Si le début de course a été dominé par le belge Van Orenbeck, un quasi inconnu qui aura fini par casser dans les dernières minutes également, c'est Watson et Potisek qui se livraient un beau duel tout en restant en embuscade. À une demi-heure de l'arrivée, il n'y avait plus que quelques secondes d'écart entre les deux hommes qui refusaient de lâcher du terrain. Et Watson a fait encore preuve de maîtrise dans le dernier tour. Et la casse de Potisek dans les derniers instants lui a enlevé tout espoir de victoire et même de podium. Derrière Watson, donc, on retrouve Damon Martens et Richard Fura. Donc effectivement, un événement qui a sa grande importance dans le motocross dont on ne parle pas si souvent. Et en France. Et en France. On enchaîne avec de la Coupe Davis. Oui, ou la Coupe Cosmos, ou la Coupe Piqué, comme vous préférez. Je pense que je préfère l'appeler comme ça, parce que c'est dur de parler de Coupe Davis encore. Je suis assez d'accord avec toi. Même si ça compte comme la 108e édition de cette prestigieuse Coupe, la refonte de la Coupe se compose donc d'une phase qualificative et d'une phase finale. Une phase finale, c'est à partir des quarts. Nous sommes en ce moment donc à la qualification, pêle-mêle un peu de quelques résultats intéressants ou non, vous me le direz. Le duel asiatique entre la Chine et le Japon a tourné à l'avantage des Nippons. L'Australie s'impose 3-0 contre la Bosnie, avec notamment John Minman et Alex de Minor, encore un jeune. Next-gen. Ouais, je vous conseille de regarder d'ailleurs l'affaire Tomic qui vaut le coup en ce moment dans le monde du tennis et dans le monde du tennis australien. Le duo russe Medvedev et Khachanov s'impose 3-1 contre la Suisse qui n'avait pas le moindre top 100 dans son équipe. Duel serré entre la Slovaquie de Klizan et le Canada de Chapovalov à l'avantage du Canadien, qui sera d'ailleurs présent à l'Open Sud de France. Et enfin, l'Allemagne de Zverev qui s'impose contre la Hongrie. Les grosses autres nations ne sont toujours pas rentrées dans la compétition. dont notamment l'équipe de France. Enfin, une dernière news, j'allais pas dire un dernier événement, pour conclure cette rubrique résultat, c'est une news qui nous parlera d'athlétisme, mais aussi malheureusement de dopage. Oui. On parlait de dopage dernièrement dans nos émissions, et aussi de la suspension de sportifs. Cette semaine, c'est 12 athlètes russes, pour changer, on va dire, hein, dont le champion olympique du saut en hauteur en 2012, Ivan Ukhov, qui ont été suspendus pour dopage pour des périodes allant de 2 à 8 ans, annoncé donc vendredi le tribunal arbitral du sport, le TASS. Ces athlètes russes ont été épinglés sur la base des révélations du rapport McLaren qui a mis en lumière un système de dopage d'État en Russie, laquelle a été suspendue par la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAF, depuis novembre 2015. Ukhov est suspendu pour 4 ans et à compter du 1er février 2019. Tous ses résultats sont annulés rétroactivement du 16 juillet 2012 au 31 juillet 2015, ce qui prive donc de son titre de champion olympique. Le russe de 32 ans était devenu champion olympique aux Jeux de Londres en 2012 avec un saut à 2m38. Et je pense voilà que nous avons été tout à fait exhaustifs sur l'actualité de la semaine. Ah, carrément. Nous avons même un petit retard, nous en convenons, et nous allons passer à notre rubrique du sport montpelliérain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et le sport montpelliérain qui va nous permettre d'évoquer surtout un match, un événement, qui était celui de ce week-end, de ce dimanche après-midi, qui avait lieu du côté des Costières à Nîmes. Nos ennemis jurés, le retour du derby en terre gardoise. Un match qui a tenu ses promesses malgré tout. Flo va nous en dire un petit peu plus. Je reparle encore, hein, décidément, ce soir. Ouais, c'est vrai. Tu as ton temps de parole ce soir. C'est vrai. J'ai un petit contexte match retour d'une fessé, on peut le dire, à l'aller 3-0 pour le MHSC, le Nîmes Olympique qui devait prendre sa revanche. Il y avait aussi le contexte d'une partie de la bâche de la butte paillade sortie par les supporters nîmois au match aller et qui a mis un peu le feu aux poudres, car oui, dans la culture ultra, voler la bâche d'un groupe d'ultra, c'est comme un peu enlever son identité. Et enfin, un contexte d'injustice avec l'interdiction de stade des Montpelliérains par le préfet du Gard et le ministère de l'Intérieur, alors que les Nîmois ont pu se rendre à la Mosson au match aller. Donc voici dans quelles conditions se passait ce match, et c'est un peu à l'usure. Voilà comment le MHSC aurait pu chercher le Nîmes Olympique après une première mi-temps bien fade, mais à l'avantage de Nîmes, qui a d'ailleurs marqué dès la deuxième minute, par Loïc Landre, ancien Lensois. C'est la deuxième mi-temps un peu plus enjouée, à l'image aussi des tacles de part et d'autre, puis une dizaine de minutes de pression montpelliéraine, et c'est la libération avec l'égalisation de Andy Delors à la 74e minute, comme un symbole pour Loulou qui, je le pense, regardait du haut de son nuage. Le MHSC aurait pu chercher la victoire tant les Nîmois étaient touchés physiquement et mentalement. Une parade salvatrice de Bernard Donny, le goal nîmois à la 90e, sauve le Nîmes Olympique de la défaite certaine. Match nul un partout qui semble mérité au final. Avant d'évoquer un peu les top et flops, qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs ? Bon, c'est difficile. Quand on est montpelliérain, forcément on trouve le match vraiment avec beaucoup d'intensité. Je trouvais que Nîmes avait bien joué au niveau stratégique, car en première mi-temps ils ont fait un gros pressing. C'est peut-être ça qui les ont aussi fatigués à partir de la 70e. Ils ont vraiment bien joué le 1-0 au début, et puis globalement, malgré ces tacles, c'est resté pas de bagarre, quand même les joueurs se sont relevés. Vraiment un bon match, un bon derby, et je pense que j'espère que le spectateur neutre s'est régalé aussi, ce qui serait intéressant. Alex, un petit avis sur ce derby ? Oui, le spectateur neutre est présent, parce que je ne suis pas montpelliérain, donc les gardois sont mes amis. Ah bon ? Tes amis carrément. Ouais, moi c'est plutôt les Narbonnais mon problème, mais bon, ça c'est autre chose. Chacun ses confis locaux. Non, après le derby, c'était un match de derby. Le match, honnêtement, j'en ai vu quelques bouts, il n'était pas inintéressant. C'était parce que franchement, il y a des derbies, c'est beaucoup plus haché, c'est beaucoup plus violent. C'est resté viril mais correct. Comme l'a dit Corentin, un état d'esprit de derby, mais dans la mesure, effectivement, je pense que la première mi-temps a été à l'avantage effectivement de Nîmes, mais après Montpellier sur le finish aurait peut-être pu effectivement l'emporter, quoi. Parce que la fin était vraiment cuit. Ouais, sur la fin de match, vraiment, on peut dire que Montpellier aurait pu plutôt mérité la victoire. Ouais. Ce qui aurait fait d'autant plus plaisir, mais bon, finalement, on prend 4 points dans cette double confrontation contre Nîmes pour le retour en Ligue 1. Plutôt bien. C'est plutôt bien, surtout qu'effectivement, cette ouverture du score en début de match m'avait fait craindre un petit peu le pire. J'avais peur que nos joueurs soient vraiment endormis, mais quelque part, peut-être ça les a directement mis dans le tempo de ce match. En première mi-temps, ils ont eu des difficultés, mais en seconde, ils n'ont rien lâché. Ils sont allés chercher une égalisation à une minute, comme tu le dis, symbolique, 74e minute, hein, comme 1974, ce qui parle forcément à notre loulou Nicolin. Ouais, puis même 74 ans quand. Et 74 ans aussi d'ailleurs. Alors, il faut savoir que quand il a disparu, donc c'est beau, c'est beau. Une petite anecdote sympa, je pense savoir la même. Ouais. C'est que la LFP a mis à 73e minute finalement. Ah oui. Ah moi c'est pas la même. Et du coup, ah oui, la LFP aussi a tweeté. Oui. Alors, c'est des farceurs un peu la LFP. Ils ont tweeté quand ils ont 74e. Vu le but, 74e minute comme le département de l'Hérault. Alors peut-être qu'on vit en Haute-Savoie maintenant, mais bon voilà, le stagiaire de la LFP, en tout cas on pense beaucoup à toi. Ah, je pense qu'il est pas stagiaire, ils sont suffisamment stupides pour être titulaire. Ah je sais pas, c'était le dimanche quand même. Hein. Non, t'inquiète pas. Effectivement, belle petite anecdote. Et on va peut-être passer à tes top et tes flops. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait un petit top flop, hein, je me suis permis. Pierre Ménès à nous ? Non. Oui, peut-être pas quand même. mes top, le compte, évidemment, avec. Peu d'arrêts au final, mais des arrêts très importants dans ce match. L'intensité aussi des Nîmois qui voulaient aller chercher ce match et qui ont mis les ingrédients quand même nécessaires pour faire déjouer les Montpellierains pendant quand même peut-être 60 à 70 minutes. Franchement, Nîmes a quand même bien géré et mérité peut-être presque pour moi cette victoire. Les flops, Florent Mollet, milieu montpelliérain qui n'y arrive plus du tout depuis la reprise en 2019. Alors que c'était un des joueurs clés de la première partie. Exactement, un placement assez déplorable hier, une qualité de passe catastrophique, on sent qu'il était totalement ailleurs hier, c'était assez compliqué et malheureusement une blessure à l'arrivée pour lui, qui est sorti au début de deuxième mi-temps. J'avais aussi l'arbitrage tout de même qui a sifflé quand même plus de 40 fois, donc quand vous avez dit que c'était un peu viril mais correct, il y a eu quand même des fautes, tout ça pour deux blessures du MHSC et un arbitre qui n'a distribué que deux cartons jaunes à la fin du match. Ouais. Donc symptomatique d'un arbitre un peu dépassé tout de même. Et finalement, le dernier flop, pour moi, qui est le plus gros flop, c'est la pelouse des Costières. Une honte quand même de voir un champ de patates comme celui-ci en Ligue 1. Et autant quand il y a une pelouse qui est assez dégradée, on peut le comprendre, mais là, ça a vraiment influé sur le jeu. Après, c'est peut-être fait exprès aussi. Hein. Parce que oui, je pense que c'était volontaire à l'image de Montpellier contre le Paris Saint-Germain. Ouais, le 0-0 de l'an dernier, on s'en rappelle. À ce point-là, pour les Nîmois, c'est aussi compliqué de jouer sur une pelouse comme ça. Quoi. Surtout que c'est une équipe effectivement qui aime le jeu normalement, se projeter. Je suis pas sûr que c'était totalement à leur avantage, même si bon, peut-être qu'ils se sont dit que l'atmosphère hostile serait d'autant plus présente avec le public pour pousser derrière face à l'équipe montpelliéraine. Donc pour conclure le classement, Romain, le MHSC est 5e et repasse devant Strasbourg avec ce match nul. 4 points de retard sur l'OL qui est 3e. Pour le Nîmes Olympique, 11e place, mais à seulement 6 points du MHSC, donc ça va très vite en Ligue 1. Ça va très vite en Ligue 1 et on va passer donc à nos autres équipes montpelliéraines avant de finir notre rubrique résultats avec le bilan. J'avais malgré tout pas donné le bilan cette semaine. C'est donc un match nul, on l'a dit, et 3 victoires pour 3 défaites. Finalement un bilan contrasté mais tout à fait correct dans l'ensemble avec donc ce célèbre derby, mais aussi les filles du MHSC qui jouaient. Malheureusement c'est une des défaites du week-end, défaite face au PSG féminin, 4-0, rapidement mené au score dans les premières minutes de jeu. Les Payadines n'ont pas été en mesure de revenir dans le match et ont encaissé un dernier but dans les dernières secondes. Les buteuses pour Paris, Wang à la première minute, Grace Gayoro à la 6e, Marie-Antoinette Katoto à la 20e minute et enfin un but de la recrue hivernale du PSG, Nadia Nadim, d'une belle frappe sous la barre en fin de match. Montpellier va se disputer la 3e place avec les Girondins de Bordeaux féminines cette année et donc c'est une saison un petit peu difficile, hein, on peut le dire, pour notre équipe. Qui a quelque part raté sa saison au vu de ce à quoi elles nous ont pu nous habituer et de la concurrence qu'il y a en Ligue 1 féminine, en D1 féminine faut-il dire, et donc ainsi les Parisiennes et les Lyonnaises possèdent 20 points d'avance et assurent mathématiquement, mais sans surprise, leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Je passe au basket féminin, on reste sur les filles avec le BLMA, qui ont réalisé un bel exploit cette semaine. C'était en Eurocoupe, parti avec un handicap de 19 points, 83-64 au match aller. Les Gazelles de Lattes Montpellier sont parvenues à renverser la situation et à réaliser l'exploit en s'imposant de 23 longueurs, 83-60 face aux finalistes de l'Eurocup, le Rayer Venezia, jeudi soir. À la mi-temps, rien n'était fait, sachant qu'elle n'avait qu'un point d'avance, 35-34. Donc c'est là où c'est encore plus exceptionnel comme remontée. Et le duo Bancolet-Whitcombe, 49 points cumulés à L2, faisait la différence devant un public survolté. Le débours de 19 points était réduit à néant à 8 minutes de la fin. Il allait monter jusqu'à plus 25. Et les Italiennes tentaient alors leur va-tou. En vain, le BLMA rejouera une nouvelle fois les 8e finales de l'Eurocoupe et affrontera les Turcs de Galatasaray, un vrai club de basket. 14, je crois qu'ils sont en quart maintenant. 14 et 21 février, avec un match aller à l'extérieur. Si je me trompe pas, c'est les huitièmes de finale qui se joueront donc 14 et 21 février. Les autres équipes montpelliéraines, le hockey avec les Vipers, malheureusement défait. Les hockeyeurs montpelliérains ont perdu ce week-end à domicile à Vegapolis contre Marseille, 3-0 en D1 de hockey. Montpellier est 9e du championnat sur 14. Du côté de nos volleyeurs, le MCVUC en Ligue A, les joueurs de Montpellier signent un 5e succès de rang en championnat, invaincu en 2019. Très très bonne série pour les volleyeurs. Ce week-end, lors de la 16e journée, ils sont venus à bout de Cannes, 3-7-0, 25-20, 35-33, 25-18 à Castelnau. Ils confortent ainsi leur 3e place en mettant la pression sur Rennes. Le waterpolo, oui, nous avons beaucoup de sport à Montpellier. Après un début de match c'est difficile, clair. Les Montpelliérains sont repartis d'Aix-en-Provence avec une défaite. À l'image donc de ce week-end, vous voyez, je vous fais une victoire, une défaite. C'est Montpellier qui avait ouvert le score par Yvan Dela après 16 secondes, mais les Aixois ont ensuite haussé le ton pour prendre le contrôle du match. Montpellier avait 7 buts de retard à la pause, 9-2, un retard trop important pour espérer revenir malgré un retour à 3 longueurs à 3 minutes du terme de la rencontre 14-11. Aix, invaincu depuis novembre, a repris alors l'avantage de la partie et repart avec une victoire solide, 16 buts à 11. Après 11 matchs, Montpellier est 5e. Enfin, dernière équipe que je voulais évoquer avant de laisser la dernière parole de ce sport montpellier à Florian, le MMF, on n'en était pas revenu la semaine dernière, ça date de la semaine passée d'ailleurs le match, victoire du MMF en D2 masculine de futsal à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, 6 buts à 2 samedi dernier. Les Héroletés sont actuellement 3e de leur poule à 3 points du leader Kingersheim et à 2 points de Toulouse. Dernier mot, du coup, je le disais, de la rubrique Montpellier-Rennes, avec du Wexball, une discipline qu'on vous encourage à découvrir. Car on va les recevoir bientôt. On va les recevoir bientôt, c'est ce que j'allais dire. Donc Flo va vous en dire un petit peu plus. Donc c'est un sport qui a été créé à Montpellier. Je vous dis un petit peu ce que c'est. Donc c'est une création, un nouveau sport d'opposition, une manière originale de jouer au ballon. Le principe est simple, c'est le ballon est renvoyé à l'équipe adverse, non pas en passant par un-dessus un filet, comme au volleyball, mais en rebondissant sur une planche ovale, ce qu'on appelle le wex. Ça ressemble un peu à une planche à repasser, si on peut dire comme ça. Située au centre de l'aire de jeu, chaque joueur disposant de plusieurs touches de balles consécutives, le wex ball peut se jouer en 1 contre 1 jusqu'à 5 contre 5. Ça marche plutôt bien et c'est un sport montpellier qui a été créé à Montpellier et qui maintenant dispose d'une fédération française de wexball, donc ça grandit bien et je vous en parle parce que il y a après la wexball original cup en 2018, compétition mixte qui s'est déroulée en salle les 1er et 2 décembre 2018 à Montpellier, le wexball club de Montpellier Sport profite du temps clément de notre région et organise donc un tournoi convivial en extérieur sur les plages de Palavas le 10 février 2019. Donc voilà, ceux qui veulent suivre, ceux qui veulent connaître ce nouveau sport, c'est à Palavas le 10 février 2019, cette semaine. Voilà, c'était une sacrée rubrique résultats ce soir. Alors nous avons démarré à 19h06, donc nous avons 6-7 minutes de retard, nous allons les combler, nous nous en excusons d'avance, et on espère que vous vous régalez à l'écoute bien sûr de cette émission, et je laisse à Florian annoncer la prochaine pause musicale. Nous reviendrons ensuite avec l'Open Sud de France de tennis et un débat dédié aussi au ski alpin. Voilà, ce sera double débat ce soir. Et oui, donc première pause musicale, c'est Jason Mraz et le titre Bella Luna. Mystery, the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight. so full but often bright. A pair of eyes, a closing one, a chosen child of golden sun. A marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. Cosmic fish they love to kiss. They're giving birth to constellations. No rifts and no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I. Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the lighting. Oh, Bella, Bella, please. Bella, you beautiful Luna. Oh, Bella, do what you do. To infinite number, a crashing waves, a breaking thunder, tiding the ebb and flows of hunger. You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer. You're the world. All I can bring you is the language of a lover. Bella Luna, my beautiful, beautiful moon, how you swoon me like no other. To get the best of your wish, may I insist at no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Bella, please, Bella, you beautiful Luna. Oh, Bella, do what you. Luna, my beautiful, beautiful moon, how you swoon me like no other. Oh, oh, oh, oh. Et nous sommes de retour dans Sport and Chill. Votre équipe est toujours présente pour maintenant nos débats, double débat, petite spécificité de cette semaine. Nous allons tout d'abord évoquer la compétition Montpellier-Rennes, l'Open Sud de France, et nous reviendrons ensuite sur le ski alpin, donc deux débats de 10-15 minutes, messieurs. Donc l'Open Sud de France 2019 qui démarre. Oui, pardon, je t'ai pas fait désannoncer la pause musicale. Le jingle surtout que. Et le jingle débat. Autant pour moi. C'est le manque d'expérience. Ça va venir. Mais justement. Sport and Chill, le débat de la semaine. heureusement que tu es là pour. T'es su et choqué, ça va se partir en octogone tout ça. Pour me redonner les priorités du jour. Tu as bien raison. Donc du coup j'y reviens maintenant qu'on a eu notre jingle débat de la semaine avec l'Open Sud de France 2019 qui a démarré avec les qualifications et le premier tour qui démarrait à partir de ce soir avec notamment un match 100% français où est présent notre team national ouais. Entre Joe Wilfried Tsonga et Hugo Humbert. D'ailleurs, peut-être un petit point résultat, c'est ça ouais. Important. J'ai les matchs en direct. Il y a 6-3, premier set, Humbert. Là, il y a 3-2 à Tsonga, avantage Tsonga. Et Granollers s'est battu Karlovic 2-7. Bon, ça, c'est moins, moins surprenant. Mais ouais, quand même, Tsonga qui prend un set par le jeune Hugo Humbert. Et qui est en difficulté, qui a du mal quand même, apparemment. C'est l'émission de la précocité. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de sportifs qui se découvrent très jeunes. Donc, pour revenir sur cet Open Sud de France, on va se demander un petit peu quelles sont nos attentes, quelles attentes on peut avoir autour du tournoi Montpellier 1 qui finalement se confirme sa présence sur le circuit en tant qu'ATP 250 année après année, celui qui avait remplacé le tournoi de Lyon. Et on va démarrer tout de suite très fort, j'ai envie de dire, et vous demander un peu quels sont vos favoris dans cet Open Sud de France cette année. À noter que pour ma part, j'ai vu que nous avions dans cet Open Sud de France David Goffin, Lucas Pouille, Gilles Simon, Denis Chapovalov, Thomas Berdych ou encore Krajinovic, Karlovic, donc Karlovic qui a été sorti, nous a dit Alex, Ernest Gulbis, Misha Zverev, Philippe Kohlschreiber, Marcos Bagdatis qui est un qualifié pléthore de français Benoît Paire, Pierre Guerbert, Joe Wilfried Tsonga, Hugo Humbert, Jérémy Chardy, Nicolas Mahu ou encore Antoine Hoang qualifié lui aussi. Que je commence. Qui nous démarre sur un peu les favoris, peut-être Flo pour nous lancer la dynamique de ce débat. Ouais. Bah moi j'ai quatre favoris. Après je me mouille pas trop parmi mes quatre favoris. Lucas Pouille qui défendra son titre comme l'ensemble des joueurs à l'Open Sud de France défendent plutôt bien leur titre à Montpellier. À l'image de Gasquet et Monfils. Ouais. Souvent les Français. Donc je vois bien une deuxième victoire de Lucas Pouille. Alors peut-être ça va être un gros coup d'arrêt après l'Open d'Australie comme a dit Corentin. En off, moi je vois quand même une belle victoire de Lucas Pouille. Je serais tenté de dire que Gilles Simon sera la Française à réussir au détriment de Joe Wilfried Tsonga. Alors peut-être pas du coup, puisque je pensais que ce serait un 8ème de finale. Gilles Simon qui réussit plutôt bien à Montpellier, donc je pense que ce sera mon deuxième favori. Et enfin, côté international, mes deux autres favoris, sans surprise pour moi, le deuxième et troisième du tournoi que je vois aller dans le dernier carré. Je pense au Belge David Goffin qui n'est pas revenu sur Montpellier pour rien, je pense. Et ainsi que le jeune Canadien Denis Chapovalov et sa jeunesse qui, je pense, va bien le motiver pour aller chercher un titre. Donc voilà mes quatre favoris pour moi. Oui, quatre favoris finalement pas surprenant. Hein. Je pense que c'est les favoris annoncés peut-être. Comme tête d'affiche par le tournoi. Justement, Alex et Corentin, vous, qu'est-ce que vous en pensez d'autant plus qu'on a quand même été habitué, moi de souvenir, à voir à l'Open Sud de France à Montpellier des grands favoris se faire sortir prématurément. Je pense notamment à Marin Cilic. Et il y a fort à penser, malgré tout, que sur les quatre favoris que nous donne du coup Flo, ce ne seront pas... ce sera sans doute pas, malgré tout, le quatuor final. Ça peut l'être, hein, bien sûr, mais est-ce que vous voyez un petit peu un trouble fait derrière ces quatre favoris ? Vas-y, Gourna. Bah, peut-être un Français, hein, ça serait sympa, puisqu'on sait que les Français performent pas mal. Après, c'est difficile, ça reste du tennis. Hein, y a rarement des surprises, même si à Montpellier, c'est vrai qu'on est un peu la spécificité. Mais au final, je vois bien Lucas Pouille gagner. Hein, c'est vrai que, comme tu disais en off, peut-être, Gasquet a gagné beaucoup d'affilée. C'est vrai qu'à Montpellier, il y a souvent ces Français qui performent, même si parfois, je crois que Cilic l'a gagné une fois. Non. C'est Zverev, le seul étranger. Ah, Zverev, il y en a deux. Il y a Thomas Berdych aussi. Ah, Thomas Berdych. Voilà. Ah oui, trop de Berdych. Qui est le premier non-français à avoir remporté l'Open Sud de France de tennis, Thomas Berdych. Donc, oui, moi je pense des Français. Peut-être Benoît Paire, qui a quand même souvent plutôt bien réussi, hein, sans aller au bout du tournoi, qui a déjà fait une finale à l'Open Sud de France. On sait que c'est pas forcément les dynamiques qui sont confirmées, hein, sur des ATP 250, le tableau peut être vite ouvert. Puis il est un peu chez lui quasiment. Et il est pas loin de chez lui, sachant qu'il est à Avignonnet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc sinon, effectivement, dans les joueurs étrangers, je voulais peut-être justement évoquer un joueur qui est un vainqueur du tournoi, maintenant dans le creux, hein, 33 ans, 79e au classement ATP, c'est Tomáš Berdych, mais qui sur les derniers tournois s'est montré globalement à son avantage. Est-ce que justement ça pourrait pas être son tournoi, l'Open Sud de France? Est-ce que justement tu en parlais sur David Goffin, est-ce que Tomáš Berdych vient par hasard à Montpellier? Bon, ces dernières années, il est quand même venu souvent à Montpellier. J'ai l'impression d'un tournoi qu'il apprécie. Alors sur cette édition, ne vois pas aller. Il était finaliste à Doha, par exemple, dernièrement. Oui, c'est vrai. Mais même à l'Australien, bon, ça a été également. Mais je ne sais pas pourquoi, sur cette édition-là, je ne le sens pas. Un peu comme ces dernières éditions où il est venu à l'Open Sud de France. J'ai pas l'impression que ce soit un bon choix de carrière pour lui de terminer, parce qu'il commence déjà à se faire vieux, de terminer sur des 250. Je pense qu'il devrait faire plutôt des grands chelems, aller loin dans ces grands chelems plutôt qu'aller chercher les 250. J'ai l'impression que la motivation n'est plus là, et ça se voit d'un peu sur les dernières éditions qu'il a fait, Tomáš Berdych à Montpellier, où il n'a pas été suprême, loin de là. Pareil, bien sûr, Lucas Pouille fait partie des favoris, Gilles Simon aussi, Goffin évidemment. Après, j'aurais dit Goulby s'il n'y avait pas le casino à la Grande Motte à côté. Mais, clairement. Justement, il va aller chercher la victoire pour aller tout dépenser là-bas. Ouais, ça peut le faire aussi, mais moi j'y crois pas trop. Mais moi je mettrais deux petits outsiders, ce serait Zverev et Chardy, parce que je vois bien Chardy faire un petit parcours. Je le vois, par exemple, je vois plus Chardy que Joel Fitzonga, qui risque d'ailleurs de se faire sortir ce soir. Et moi je mettrais Chardy et Zverev. Berdych, non, j'y crois pas du tout, comme dit Flo. Après, pour moi, la logique, c'est Lucas Pouille et Goffin. Voilà, c'est vraiment parce que Lucas Pouille, c'est par rapport à ses résultats précédents, bien sûr, son Open d'Australie. Et Goffin, c'est par rapport à son statut. Forcément, c'est de grands joueurs qui a fait des top 10, etc. Même s'il est plus trop en forme, mais. Oui, mais bon, ça reste quand même. Voilà. Je pense que c'est grâce à des tournois comme Montpellier qu'il peut retrouver un peu de forme dans cette saison. Quoi. Mais je verrais bien Chardy. Chardy, voilà, je mets une petite pièce sur Chardy cette année. Ouais, Chardy, pas impossible. Moi, je fais le pont avec les non-français ce soir, avec les autres nationalités, avec deux joueurs qu'on n'a pas évoqués. Alors, on verra s'ils me donnent tort, mais je ne sens pas forcément plus que ça Mischa Zverev dans ce tournoi. Après, sait-on jamais, ça reste l'Open Sud de France de Montpellier. Moi, si, tu vois, je sentirais un peu quand même. À l'inverse, je me pose des questions, hein, mais vous savez, je suis moins connaisseur, même sans doute que vous deux, hein, Alex et Flo, sur le tennis. Mais sur deux joueurs, dont un qui est assez reconnu sur le circuit, c'est Philippe Kohlschreiber, dont on n'a pas parlé, qui est un joueur aussi assurément à suivre dans cet Open Sud de France. Je ne sais pas quelles sont ses dernières performances et du coup si la dynamique pourrait être en sa faveur. Il est vieux aussi, il est sur le dur. Hein. Ah, il est sur la fin. Ouais. Donc de même, après, sur un tournoi, c'est un joueur d'expérience. Son jeu implique quand même. Il aime beaucoup Montpellier aussi. Hein. C'est pas la première fois qu'il vient. Ouais, il aime Montpellier, mais moi après, j'ai quand même toujours du mal à croire que les joueurs ou les joueuses de tennis qui ont quand même un jeu basé, pas que, mais en priorité aussi sur leur physique et qui ont besoin d'être à 100% pour être performants, puissent faire des performances en vieillissant. Quoi. Parce que Kohlschreiber, c'est quand même un mec qui te met des grosses petites patates. Quoi. Et s'il ne court plus, ça doit être dur pour lui. Hein. Alors qu'à l'inverse, Mischa Zverev, effectivement, lui, a la jeunesse pour lui et puis d'autres palettes. Dans, voilà, c'est ça. Jeu, hein. C'est l'un des rares joueurs à encore être spécialiste de sur herbe, tout simplement. Aussi, oui. Sur gazon, pardon. Comme Roger Federer, mais lui aussi, t'es un spécialiste de Wimbledon. Sur dur, il se débrouille pas mal aussi. Et Montpellier, c'était dernièrement, il a fait quelques résultats. De là, aller dans le dernier carré, j'en doute, mais pourquoi pas un quart pour lui. Ouais. Et enfin, le dernier joueur, mais parce que c'est une des curiosités, tout est possible avec des joueurs comme ça, c'est Krajinovic, tout simplement, parce que lorsque j'ai vu son nom, je me suis rappelé d'une finale réalisée à Bercy face à Jack Sock, une finale hautement improbable dont on avait parlé. Après, voilà, c'est ce type de joueur où ça peut être one shot. Hein, c'est one shot carrément. Tout est possible. C'est comme Chechinato à Roland Garros. Exactement. Ouais, c'est vrai. Je me permets surtout qu'on fait deux petits débats ce soir, je vous le rappelle, donc on a moins de temps. d'aborder deux absences malgré tout sur ce tournoi, en espérant qu'elles ne fassent pas trop de tort justement au tournoi. C'est une absence attendue, celle d'Andy Murray, à partir du moment où il nous avait annoncé ses problèmes physiques, mais qui était la tête d'affiche de ce tournoi. Est-ce que c'est vraiment un coup dur pour le tournoi? Et puis une autre absence, c'est celle de Richard Gasquet, triple vainqueur du tournoi, et absent lui pour cause de pubalgie. Ouais, c'est double coup dur quand même. Ouais. Parce que quand même Murray, c'est celui qui te fait venir au stade. Celui pour lequel quand même tu paies ton billet. Pas que, enfin, tu vois, bon, tu sais qu'il y a des Français, donc tu vas les encourager. Mais au niveau des stars internationales, c'est quand même lui, voilà, ta tête de gondole, c'est lui qui te fait venir, quoi. Alors que David Goffin, c'est peut-être pas encore assez grand public. Si c'est quand même Goffin est quand même. Goffin, il faut commencer à connaître un peu le tennis tout de même. Mais... Ouais, Goffin est connu, mais c'est pas la même chose qu'Andy Murray, parce qu'Andy Murray, il y a le personnage et tout. Voilà, c'est une deuxième catégorie, parce que après, c'est le Big Four, parce qu'après, si on prend les trois premiers, je parle de Djokovic, Federer, Nadal, c'est encore autre chose, je pense. Oui, c'est au-dessus. Mais ouais, c'est un gros problème de l'Open Sud de France qui s'habitue ces dernières années à prendre toujours des gros joueurs qui ne peuvent pas assumer. Malheureusement, là, il y a eu une circonstance sur le fait que Murray était blessé. Mais ils auraient pu éviter de continuer la communication et la publicité, notamment dans les trams, avec Andy Murray en première position. Ils savaient très bien qu'il ne serait pas à l'Open Sud, mais ils ont quand même joué sur l'ignorance un peu du grand public pour les faire venir. Ouais. Pour l'achat des places. Ouais. Justement, sur ce rôle de locomotive pour le grand public, je me demandais sur le rôle de Lucas Pouille, puisqu'il a été quand même grandement médiatisé malgré la lourde défaite lors de sa récente demi-finale à l'Open d'Australie. Donc justement, est-ce qu'il va pouvoir endosser ce rôle avec un public qui va être réellement derrière lui? C'est ça qui sera intéressant. Oui. Ouais, ce sera intéressant à suivre, mais effectivement, alors c'est lié, on a déjà parlé, bon, pas dans le cas Murray, mais au positionnement du tournoi aussi, juste après l'Open d'Australie, qui pose souvent des difficultés avec des joueurs dont on annonce la présence, alors peut-être des fois un peu vite, il est vrai, et qui finalement font défection, ce qui permet au tournoi de prendre de l'ampleur. Il y a deux ans, c'était juste après l'Open d'Australie. Là, il y a encore une semaine entre les deux. Avant, c'était Open d'Australie, Coupe Davis et direct Open Sud de France après. Il y avait encore moins de chances d'avoir du monde. Bah, c'est un peu le même problème que Bercy avec le Masters pour la famille. Ah oui, clairement. Très mal placé. Même problème. Justement, sur ce positionnement stratégique, j'aurais bien aimé vous demander, vous, Alex et Flo, qui connaissez plus, où se classe un peu Montpellier au niveau ATP 250? Est-ce qu'on rivalise ou on est vraiment que de peloton? Par exemple, je sais qu'en France, il y a Metz aussi. C'est comparable. Honnêtement, Montpellier, franchement, un très gros tournoi. Oui, après. Parce que les infrastructures de l'Arena, je prends un Master 1000 qui est Bercy, on en a parlé. Bercy, ils ont une très grosse salle, mais tu verrais les salles annexes, mais ça fait pleurer. À l'Arena, à côté, c'est vachement mieux. Il y a belles infrastructures, mais je pense que pour les Français, je pense que oui. Après, pour un 250, un 250, c'est quand même bien. Je pense quand même qu'il s'est bien classé. Mais peut-être que parce qu'à côté, t'as 250, t'as Marseille. Là aussi, c'est compliqué d'aller voir des matchs à Marseille. Hein. C'est vraiment. Ouais, par contre, moi j'ai déjà vu des programmes à Marseille qui avaient quand même une belle allure. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, petit à petit, effectivement. Malgré les critiques des fois qu'il y a autour de l'Open Sud de France, parce qu'on attend toujours mieux. Ça reste un ATP 250, pardon. On a eu pendant longtemps. Beaucoup de joueurs français, donc un petit effet championnat de France, c'est toujours relativement vrai, mais c'est aussi logique à ATP 250 au niveau français. C'est normal, c'est positionné à ce moment-là. On a surtout une belle next gen à chaque fois. Voilà, positionné à ce moment-là dans la saison. Mais on a effectivement, comme le dit Flo, de la next gen et de toute façon des joueurs intéressants qui sont venus, à l'image de Karen Khachanov et Stefanos Tsitsipas l'année dernière, qui sont devenus maintenant des joueurs de premier plan mondial, et à l'image de Denis Shapovalov que je vous encourage et je sais que Tim également à suivre cette saison assurément. Dernier chiffre clé justement sur ce tournoi pour montrer qu'il vaut le coup d'être suivi, donc on a 4 courts de tennis sur un même site, un central, un court numéro 1, 2 courts d'entraînement, donc c'est vrai que c'est des infrastructures déjà tout à fait adaptées à la pratique du tennis professionnel. Plus de 50 joueurs au début de la compétition, avec compétition simple et double à suivre également. 54 heures de diffusion à la télévision. Donc ça, c'était pour l'année dernière. 9000 places à la Sud de France Arena. Donc c'est une infrastructure aussi où il y a, sur le court Patrice Dominguez. Y a pas mal de places, hein, sur le court Patrice Dominguez, effectivement, du nom de l'ancien directeur du tournoi. Il faut répéter peut-être que c'est Sébastien Grosjean, désormais, qui gère le tournoi. Et qu'en 2018, nous avions 49 850 spectateurs qui étaient venus au cours de la semaine, et que justement Sébastien Grosjean espère cette année dépasser la barre symbolique des 50 000 spectateurs. Ils ont fait une très grosse com en tout cas. Oui, ça oui. Effectivement. Du coup, nous passons à un tout autre débat qui n'a rien à voir. Je vois que Tom se pose la question. Je ne sais pas s'il est nécessaire un jingle débat de la semaine. Je pense qu'on. Tu peux te faire plaisir. On hein, peut se si faire plaisir. Allez, au point où on en est. mais donc, effectivement, on va enchaîner sur un tout autre sport avec le ski alpin. On fera plus court que prévu, mais ce n'est pas grave. La saison 2019 a bien débuté, hein, on en a dépassé maintenant la moitié, et c'est le peak time de la saison avec les championnats du monde, année post-olympique. Donc les championnats du monde seront la compétition première. On a eu deux épreuves dans le courant de la semaine dernière, pardon, pour préparer les championnats du monde. Du côté de Schladming, tout d'abord avec un slalom incroyable en nocturne, qui a vu la victoire à domicile du maître absolu de la discipline actuelle, Marcel Hirscher, qui a remporté les deux manches et qui s'impose devant un Français, Alexis Pinturo, et Daniel Yule, le Suisse, déjà troisième l'année dernière. Du côté ensuite de Maribor, en Slovénie, nous avions des épreuves féminines avec la victoire, sans surprise également, de Michaela Schifrin en slalom avec 77 centièmes d'avance devant Sven Larsson et Wendy Holdener. À noter que Petra Vlova a raté un peu sa seconde manche et se classe seulement cinquième. Et également le géant avec slalom géant de Maribor, et un résultat assez étonnant qui n'arrive pas toujours, avec un ex-aequo en tête justement entre Vlova et Schifrin après deux manches en plus, donc il faut le faire pour arriver au centième près dans le même temps, et qui s'impose devant Ragnhild Mowinckel, la norvégienne. Effectivement, cette saison 2019, pourquoi nous en parlons ce soir ? Parce qu'on a les mondiaux dorés ou heureux en Suède qui ont lieu dans le courant de cette semaine et sur les deux semaines à venir, avec donc les épreuves classiques, hein, de vitesse et technique, descente, super G, slalom, slalom géant, mais bien sûr aussi combiné alpin, et le team event, la nouvelle discipline très télégénique par équipe du ski alpin mondial. Et donc une saison 2019 avec deux grands champions, hein, qui écrasent la concurrence, Marcel Hirscher et Michaela Schifrin. Peut-on penser qu'il en sera de même lors des mondiaux pour vous? Alors, Alex, peut-être pour démarrer sur ces deux grands skieurs. Sur les hommes, pour Hirscher, évidemment, mais on parlera des Français après ou j'englobe? Oh, tu peux englober, mais on fera un focus vraiment sur les Français en Alors, seconde partie. Moi, je pense quand même que Pinturo peut faire quelque chose. Il est actuellement deuxième, hein, à la Coupe du Monde, donc c'est quand même pas mal. Sinon, 6 podiums Pinturo cette saison déjà. Bon, après, quand même, Hirscher favori, je vois pas trop. Enfin, pour moi, il y a Pinturo, il y a Christoffersen. Ouais. Et peut-être l'Italien Dominique Paris qui peut venir l'enquiquiner. Mais après, sinon, c'est vrai que je vois beaucoup Pinturo et peut-être éventuellement Clément Noël qui peut faire un petit coup. Ouais, voilà, c'est une possibilité. Mais peut-être après, un petit coup. Pour moi, je sais pas ce qu'en pense Flo. Peut-être même la meilleure chance. En tout cas, c'est celui qui a été le plus percutant sur le slalom. Il a une dynamique en tout cas. Il a une dynamique en sa faveur. Ouais. Après, justement, j'en profite pour préciser, hein, parce qu'au regard du classement mondial, effectivement, ce sont les skieurs qui reviennent en haut de l'affiche. Mais donc, il y a un peu deux domaines. Hein, je le disais, les disciplines de vitesse et les disciplines techniques. Donc, dans les disciplines techniques, Marcel Hirscher semble au-dessus du lot. Hein, slalom, slalom géant. Et effectivement, sur les disciplines descente super G, un homme ressort du lot, c'est l'Italien Dominique Paris. On peut aussi citer peut-être en embuscade d'autres skieurs comme Vincent Krischmeier, l'Autrichien, Beat Feuze, donc là je suis sur les disciplines de vitesse, hein, descente super G, le Suisse, ou encore les Norvégiens, à ne pas oublier Alex Lund Svindal qui va d'ailleurs arrêter prochainement sa carrière, ou encore Kilde, Amod Kilde, l'autre Norvégien. Donc effectivement Dominique Paris donc et les autres skieurs de descente et super G qui sont du coup concentrés entre trois nationalités hein, finalement l'Italie Norvège Suède et Suisse et Autriche ouais. Je me suis un petit peu perdu, excusez-moi. Et puis donc slalom géant, slalom où aussi il semblerait qu'on ait plus de chance du côté des Français à ouais. L'image de Pinturo ou Clément Noël. Moi je pense que je vais prendre plutôt à contre-pied peut-être Noël. Je dis ça, peut-être qu'il va faire un grand championnat du monde, mais je vois pas trop sur celui-là. Je pense qu'en géant et en slalom, Hirscher va tout maîtriser tout simplement. Peut-être la meilleure chance française, ça serait peut-être sur le combiné. Mifa Jandé, on peut en parler, mais surtout Pinturo aussi. Pour moi, ça serait peut-être sur ce coup-là que les Français peuvent aller chercher quelque chose. Je ne sais pas si on avait prévu de parler des filles, mais on a quand même une double tenante du titre. C'était Savoirlet du côté des femmes, qui, je pense, ne va pas laisser son titre comme ça à n'importe qui. Donc, ouais, chez les hommes, je serais plus tenté de dire chez les Français Alexis Pinturo ou Victor Mufa-Jandé sur le combiné, donc qui est l'addition de descente et slalom, plutôt que sur géant et slalom, là où Hirscher, je pense, sera impérial là-dessus. Une médaille, je ne sais pas, je ne sens pas encore Clément Noël capable d'aller chercher quelque chose d'important, parce que là, c'est pas uniquement une manche de Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important. Même s'il est vrai qu'on a pu des fois justement taxer Alexis Pinturo d'avoir du mal à franchir le cap lors des grandes compétitions et notamment au championnat du monde. Oui, j'avoue, je prends un peu contre-pied, je sens que c'est possible. Oui, et c'est vrai que cette saison, il est assez régulier sur même trois disciplines, sachant que même sur le Super G, il commence à se faire un petit nom en étant capable d'aller chercher des top 10, ce qui veut dire notamment que sur le combiné alpin, il sera vraiment un skieur à suivre. J'enchaîne très rapidement avant de passer à notre prochaine pause musicale sur les filles, et effectivement, et les meilleures chances françaises, sans doute Tessa Worley, peut-être la seule chance française. Parce que quand on écoute chaque week-end les résultats et qu'on entend Anastasia Owens 23e, c'est très bien pour elle d'ailleurs. Anastasia Owens, effectivement, 18e du dernier slalom de Maribor. Elles sont loin au classement après quand tu regardes. C'est compliqué. C'est pas, à part elle, à part Tessa Worley, franchement, c'est très compliqué. Puis Chiffrine. Il n'y a que Vlova qui peut aller chercher sur certains trucs. Elle marche sur l'eau. Pour moi. C'est pratiquement impossible, même si dans le sport, il ne faut jamais dire jamais, mais. Ça va être très très compliqué quoi. Je pense que même elle sera d'autant plus motivée pour le slalom. Je crois qu'elle avait perdu aux Jeux Olympiques, donc je pense que là elle va aller chercher le titre. Oui, sachant que Michaela Schifrin a un beau record à aller chercher, ça n'a jamais été réalisé, elle serait en mesure éventuellement d'aller chercher le triplé slalom géant, slalom super G, parce qu'elle est aussi, depuis peu, une des favorites en super G. À noter dans les disciplines donc, de vitesse que deux Autrichiennes seront à suivre et ont dominé la saison jusqu'à présent, c'est Ramona Siebenhofer et Nicole Schmidhofer. Retour aussi de blessure, il y a peu, de Sofia Goggia qui est arrivée directement sur les podiums et du coup qui sera à suivre pour une médaille, ou de même Lara Gut, la Suissesse, qu'il ne faut sans doute pas oublier. Pour nos Françaises, je partage votre constat. Roman Miradoli ira chercher, si possible, des top 10, top 5 en descente super G, mais il sera difficile pour elle de faire mieux que cela, sans doute. Et c'est sans doute la difficulté pour le moment de cette équipe de France féminine, c'est qu'il y a Tessa Worley qui est régulière, qui est montée cette année, je crois, sur 4 podiums sur 6 en géant, qui a remporté le géant d'ouverture à Zolden, et derrière c'est difficile, il n'y a personne qui semble en mesure pour le moment d'arriver au niveau des meilleurs, tels Chiffrine, Vlova, ou encore les fameuses Autrichiennes que je vous citais. Il y a un wagon, un train d'écart, une classe d'écart entre elles et ce qui se fait de mieux. J'ai fait du coup pour moi 3 scénarios, je vais terminer là-dessus, sur les médailles qu'on pourrait espérer. Le pire scénario, ce serait qu'on en fasse une, je vais pas dire zéro, qu'on fasse une petite médaille, à savoir où, le plus logique voudrait dire en slalom géant pour Tessa Worley, mais où ou voire peut-être même plus probable en combiné alpin, je le pense. Ensuite, un scénario médian qui serait avec 3 médailles, et je vais vous donner mon scénario optimum, ce serait 4 ou 5 médailles, où je verrai des médailles possibles pour les Français, Tessa Worley en slalom géant, Alexis Pinturo soit en slalom, soit en slalom géant, le combiné avec peut-être même 2 médailles à l'image des Jeux Olympiques, Victor Mufa-Jandé, comme le disait Flo, et donc Alexis Pinturo. Enfin, le team event aussi, par équipe, où nous sommes champions du monde en titre. Ah non, d'accord. Et on a fini quatrième, effectivement, aux derniers Jeux Olympiques. Je pense que c'était à ça que tu faisais référence, Flo. Petite pièce sur les retraités. Lynn Sevon et Alex Lundsvindal qui vont prendre leur retraite. Pour un dernier petit exploit, espérons-le. Donc, nous allons désormais passer à notre prochaine pause musicale, sachant que nous avons encore un petit programme final dans cette émission et que nos auditeurs doivent respirer. Et c'est Flo qui vous donne encore la pause musicale. C'est les Arctic Monkeys avec le titre Do I Wanna Know. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Out to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Even if we both know that the nights were made. Say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being. et nous revenons sur le 102.2 avec notre émission Sport & Chill et une rubrique tant attendue pour la partie finale de l'émission. Un duel qui va opposer deux challengers ce soir sur du rugby, avec une question qui nous occupera, c'est l'équipe de France va-t-elle sortir de la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde au Japon à la fin de l'année, avec Flo et Alex qui vont défendre respectivement le oui et le non. Normalement le premier qui démarra sera le oui, et puis tout de suite, jingle, duel. C'est Alex qui nous défendra le oui ce soir. Non, le oui, c'est moi. Ah non, le oui, c'est moi qui va sortir. Non, mais le oui, pourquoi? Le oui qui sort ou le oui qui sort pas? Oui, l'équipe de France sort. Moi, c'est oui, l'équipe de France sort. Ah, finis. Non, mais non, c'est bon, moi j'ai compris où on en était. On remet les choses à plat, messieurs. Là, on part sur de mauvaises bases. Flo dit que l'équipe de France ne sortira pas de la prochaine phase de poule de la Coupe du Monde, et donc sortira de la Coupe du Monde dès la phase de poule. Oui. C'est là où il était la nuance. Bravo, c'est, oui, voilà. C'est ça. Mais c'est quel médiateur. Alors que Alex, c'est ça. Pense que nous irons en quart de finale. Tout à fait, voilà. Ça, c'est un casque bleu. De fait, c'est incroyable. Nous démarrons avec celui qui nous annonce que nous passerons en quart de finale. Avec mais tu Alex. Voulais... Ah d'accord, tu voulais commencer Non, je voulais pas commencer. Bah, je peux commencer. Si, un jeu, question, c'est des arrangements entre amis. Bah, le CAS de France va-t-il sortir des poules pour la première fois de son histoire? Oui. Tu vois, oui. Donc quelque part, si donc tu c'est ouais, si moi qui défends le oui, ouais, voilà, et Alex le non. Je l'aide un petit peu. Bon, sur cette petite complexification, nous allons pouvoir enfin démarrer notre duel. Hein. Oui. C'est pas comme si on devait le démarrer. Et donc 2 minutes par challenger. Je le répète, à vous de nous convaincre. Avec Corentin, nous allons trancher. Et c'est parti pour Flo. Donc je pense que ça serait bel et bien la première fois que le 15 de France sortirait des phases de poule. Il est vrai quand même que cette dernière défaite me conforte dans cette idée, avec un peu un raccourci dans le sens où la réalité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la réalité du mois de septembre. Néanmoins, donc, je partirai sur le niveau de jeu qui m'a fortement inquiété. Je m'explique, donc pour moi le Pays de Galles ce week-end, c'était pas seulement un match important pour les Six Nations, c'était pour moi le match qui allait conditionner le reste du tournoi et aussi le reste de l'année. Et ainsi jauger un peu le 15 de France sur sa progression par rapport aux dernières années. On parlait à chaque fois de défaites encourageantes, de défaites à l'arraché, mais cette excuse ne passe plus à présent, tant le facteur X n'est pas la chance, mais malheureusement tout simplement le mental qui ne fonctionne plus chez nos Bleus. Puis il est inutile de parler de jeu de ces dernières années, tant il n'y a pas de progression. Quand on pense avoir trouvé des pépites, il se trouve que ces derniers se trouvent sur les mois suivants, ou quand on arrive à trouver des capitaines ou des leaders, bah, c'est également la même chose. Et je vais partir aussi sur l'adversité. Je vais peut-être aussi déconstruire un autre cliché qui est celui que la France peut perdre contre tout le monde, mais peut battre tout le monde aussi. Je pensais que encore à cela l'année dernière, mais ce match contre le Pays de Galles est symptomatique d'un adage qui n'est plus véridique ces temps-ci et qui ne sera pas non plus en septembre prochain. L'Angleterre est en mode Terminator, puisque l'Angleterre est dans notre groupe, on pourra donc dire que c'est mort pour la première place. Quant à l'Argentine, n'oublions jamais que ce pays est bien notre bête noire dans le rugby. Je ne parle pas d'une Argentine au fond du trou qui a battu l'Afrique du Sud et l'Australie à l'extérieur au Four Nations. Je parle pas de cette Argentine qui a perdu contre le 15 de France en fin de saison, puisque c'était justement en fin de saison. Et quand je vois qu'on a perdu, on a déjà perdu contre les Tonga en Coupe du Monde, je me dis aussi qu'on n'est pas à l'abri de perdre contre eux aussi. Donc voilà pourquoi. Parfait, 1 minute 59 secondes, rien à dire pour Flo. Et place du coup à la controverse. Ah, notre Alex, controverse, qui a 2 minutes pour lui également. Donc moi je pense qu'ils vont aller en quart de finale, puisque comme l'a dit Ituria, une équipe est en train de naître. La première mi-temps face aux Gallois est encourageante et laisse entrevoir de belles perspectives de jeu. Moi je pense que la France, donc, elle va sortir de la phase de poule et se qualifier pour les quarts de finale, parce que c'est une équipe de coups qui réagit lorsqu'elle est dos au mur, qui réagit avec de l'orgueil. La poule est relevée, certes, comme l'a dit Flo, avec l'Argentine, les Tonga, les États-Unis et l'Angleterre. Il faut donc un exploit face à l'Angleterre ou l'Argentine, ou les deux, et je pense que la France va le faire face à au moins un des deux, une de ces deux nations. L'exploit Pour la prochaine Coupe du Monde, pour moi, ce sera de battre l'une de ces deux nations. Et la France est une habituée des exploits sans suite, comme en 2007, lorsque, après la victoire face à la Nouvelle-Zélande à Cardiff, comme en 1999 face à ces mêmes Kiwis pour échouer en finale. En 2011, la France réalise l'exploit d'aller en finale après une phase de poule mièvre et avec un jeu insipide, alors qu'elle était acculée, vilipendée. L'équipe de France de rugby a toujours été dans son histoire une équipe à réaction avec de l'orgueil. C'est pourquoi je pense qu'elle va sortir de la poule, mais qu'elle se fera éliminer en quart de finale. Sans oublier la victoire contre les Pumas argentins cet automne, qui prouve qu'on peut vaincre cette équipe argentine, tout simplement. C'est beau, et tu as même fait très bref, 1 minute 20, mais il y avait un côté lyrique, épique, voilà. Tout à fait. Sympathique. Tout à fait. Et bon, on va démarrer avec peut-être un non-expert, mais qui pourra avoir son avis sur ce qu'il a vu sur ces derniers mois et suivi médiatiquement. Je fais Corentin, des chèques, si tu veux. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France, mais surtout de la position de Flo et d'Alex à quelques mois de la Coupe du Monde qui aura lieu cet automne? Ben moi j'étais plutôt parti sur l'idée d'Alex qu'on allait quand même sortir quand même, il faudrait bien être on va quand même le faire au bout d'un moment, en plus on a la Coupe du Monde 2023, bon il faut vraiment se bouger quand même à un moment ou à un autre, mais quand même Flo m'a beaucoup convaincu à vrai dire, et puis je suis un éternel pessimiste, donc j'aurais tendance à dire surtout quand on parle de sport français, hein, on connaît tous la Fédération Française de la Loose, donc j'aurais une tendance à dire du coup à pencher pour Flo personnellement, parce qu'en plus je trouve qu'il, je sais pas, mais c'est peut-être c'est mon côté pessimiste, hein. il a touché ma fibre pessimiste, quoi. Je le savais avant le duel. Alors en effet, alors ce soir dans tous les cas on aura une difficulté, hein, c'est que nous sommes deux et pas trois pour trancher, c'est pas grave, on peut être égalité, ce qui me met dans aussi, une situation relativement difficile. Je sais que j'ai lu aujourd'hui que Olivier Magne, ancien joueur de l'équipe de France, disait qu'il ne faudrait sans doute rien attendre de cette génération au vu de ce qu'elle montrait dernièrement et de ses difficultés chroniques à remporter des matchs. On sait que les stats ne vont pas en notre faveur, hein. Je crois que c'est sur les 18 derniers matchs, nous en avons perdu 14 ou 15 sur les 19 derniers. Enfin bref, on est sur le même ordre d'idée. Cette équipe de France a d'énormes difficultés, il est vrai. Moi, à l'inverse, pour autant, je ne suis pas un pessimiste. Je veux me forcer à ne pas l'être, en fait. Parce que je me dis que sinon... En fait, c'est 2019, duel optimiste-pessimiste. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Parce que, je vous le dis, tous deux, vous m'avez bien convaincu. Tant Flo, par beaucoup de réalisme, finalement, par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Et puis, au vu de l'opposition qui risque de nous attendre, Angleterre-Argentine, ils ne pouvaient peut-être pas avoir pire configuration dans la perspective du prochain mondial de rugby au Japon. À l'inverse, effectivement, cette équipe de France est parfois capable de tout. Et puis, j'aime le rugby français. J'ai vu en première mi-temps plein de points positifs avec des joueurs et vraiment intéressants. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans cet effectif et qu'on peut encore donner un gros coup de pied dans la fourmilière d'ici à la Coupe du Monde. Même si sans doute, on ne changera pas tout et on ira dans tous les cas probablement pas plus loin que les quarts de finale. Donc j'ai envie, voilà, tout ça pour dire, j'ai envie d'y croire un petit peu. Donc je vais donner le point à Alex. Merci. Et on va voir notre premier match nul de l'année, hein, de l'histoire. Des duels de Sport and Shield, tel Vlova et Chiffrine au slalom de Maribor. Ah, quelle comparaison magnifique. Exactement. Écoutez, messieurs, d'un moment fort à un moment fort, nous passons avec le quiz. Et c'est le Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Je vais te demander juste un petit stylo. Tiens, ça c'est du cross Occitanie. C'est les coulisses. J'en passe le bonjour. Les auditeurs découvrent les coulisses, sachant que j'ai besoin de noter les points. Alors ce soir, nous jouerons bien sûr en individuel. Hein, pas d'équipe, nous là. Sommes bleus, là, donc ce serait compliqué quand même, vous en conviendrez. Ah, là, c'est clair. Donc Flo, Alex, Corentin. Et donc nous démarrons ce quiz multisport du soir avec une première question. Et on démarre sur une question football. Cette semaine, attention rapidité, question plutôt facile pour se mettre en jambes. Cette semaine avait lieu la Coupe d'Asie des Nations aux Émirats Arabes Unis. Mais Qatar. Ouais, vous l'avez tous les trois. J'attendais la fin. J'attendais la fin de la question. Trop bizarre. Et Alex finalement a quand même récupéré les points. 3-1. C'est Alex. Le Qatar, entraîné par l'Espagnol Félix Sanchez, a effectivement remporté la compétition et a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe d'Asie des Nations, battant en finale 3-1 le Japon vendredi à Abu Dhabi. Prochaine question est question rugby. Tournoi destination. Lors de cette journée du tournoi, un joueur a réussi, rapidité aussi, l'exploit de marquer un triplé inédit dans l'histoire de son pays. Kinghorn. Mais qui est-il? Kinghorn. Alex, là, il est on fire ce soir. C'est l'ailier de l'Écosse, Blair Kinghorn. Oh ouais, c'est le match que j'ai pas vu. Quoi. J'ai souhaité le citer. Ce joueur a marqué 6 essais en 8 sélections. Joueur d'Édimbourg devient ainsi le premier Écossais à marquer 3 essais dans un match depuis le passage du tournoi à 6 nations en 2000. Et le troisième joueur de 22 ans au moins a réalisé pareille performance après l'Irlandais Brian O'Driscoll en 2000 contre la France et le Gallois George North en 2015 face à l'Italie. Deux sacrés joueurs, vous le savez. Troisième question, football. Et cette fois-ci, ce sera une question tour de table. Justement, ça va peut-être permettre de remettre en selle les autres challengers. Et ce sera Alex qui démarra. Karim Benzema a battu un nouveau record dans l'histoire du Real Madrid cette semaine en devenant le sixième meilleur buteur de l'histoire du club. Mais avec combien d'unités pour l'attaquant français, particulièrement en forme en ce moment? Combien de buts a-t-il marqué sous les couleurs merengue? Et c'est Alex qui démarre. Sixième plus prolifique de l'histoire du Real. Ah voilà, c'était d'accord. 722. What? 722. Bon, 722, hein, on enregistre la réponse. Putain, c'est peu les Benzema. Et courant, hein. C'est à toi. Je dirais 124. 124. Ah ouais. Ah, moi je dirais plus quand même. Je dirais 240. 240. Et je peux le dire, c'est Flo qui est le plus proche. Il n'est pas si loin, sachant que le total c'est 209. Ah, ouais, oui. 209 c'est buts pour Benzema. Donc avec 4 buts en l'espace des 5 derniers jours d'ailleurs. 209 buts, toutes compétitions confondues sous les couleurs madrilènes, ce qui fait de lui le 6ème meilleur buteur du club, devançant par la même occasion une légende merengue, le Mexicain Hugo Sanchez. Mmh. Dans l'histoire du Real, seuls 5 joueurs ont plus marqué que lui. C'est là où notamment Alex va voir qu'il est loin du compte. Puskas, 242 buts. Santillana, 290. Di Stefano, 307. Raoul, 323. Et enfin, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du club, avec 450 buts. Donc ouais, encore loin des 722. C'est mon côté marseillais qui est ressorti. Là. J'ai c'est ton côté optimiste. Là. Et pas pour vous. Prochaine question, et c'est une citation, donc quand vous pouvez couper. Vous avez droit à autant de réponses qu'on veut. Autant de réponses que vous voulez, parce que c'est pas forcément votre discipline favorite. Ah, la déception est toujours là. C'est une chose pour laquelle j'ai beaucoup travaillé. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une reconnaissance que j'attends depuis longtemps et que j'aurais bien aimé avoir cette saison. Rudy Gobert. Très beau. Pour très ses beau. All-Star. Très beau pour Flo. Ça compte pour mon pays, pour ma famille. Après, ce n'est pas le plus important. L'objectif principal, c'est de continuer de gagner des matchs et de se qualifier pour les playoffs. J'ai ma place parmi les meilleurs. Clairement, il faut que le système de sélection change. Il n'est pas bon. La manière dont les votes sont faits est biaisée. Au final, il y a des joueurs qui méritent d'être au All-Star Game et qui n'y sont pas, alors que d'autres qui méritent un peu moins y sont. En plus, les votes ne sont pas publics, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, très c'est déçu Rudy pour Gobert, lui. Très déçu de sa non-sélection au All-Star Game 2019 à Charlotte dans une conférence de West très très compétitive. Prochaine question, et c'est un chiffre, et du coup ce sera un tour de table, et c'est par rapport à quelque chose que nous a évoqué Flo. On va parler Super Bowl. Les Patriots de New England ont remporté leur 6ème Super Bowl, ce qui fait de New England la franchise la plus titrée de l'histoire, à égalité avec l'un de leurs grands rivaux, les Steelers de Pittsburgh. Tom Brady et Bill Belichick, le coach des Patriots, sont les joueurs et entraîneurs ayant disputé le plus de finales de Super Bowl, mais au fait, combien en ont-ils joué? Et on démarre avec Flo, qui a eu les deux dernières bonnes réponses. Bah du coup, 7. 7 pour Flo. À Alex. Je vais suivre, 7. 7. Et pour Corentin? Bon allez, 8. 8, c'est Corentin qui prend le point parce qu'il se rapproche de la bonne réponse. Ils ont quand même perdu des finales. C'est joueurs en fait perdre une. Tom Brady et Bill Belichick, 9 participations en finale du Super Bowl. Ah, okay. Une longévité exceptionnelle au plus haut niveau, il faut le dire. 9 finales, c'est quand même quelque chose. Ma prochaine question était justement quelle était la franchise rivale, mais je l'ai dit dans la question parce que Flo nous l'avait dit, donc ça aurait été un point donné. Et je passe du coup à ma septième question, et c'est de nouveau un qui a dit sur un autre sport. j'ai plus d'envie. Ces deux dernières années, j'avais aussi pas mal la tête au Giro. Cette année, j'aurai un mois d'avril sans course et j'espère arriver sur le Tour de France avec de la fraîcheur. J'aimerais Nibali. Bien courir plus souvent. Non. Pinot. On ne peut plus. Ah ouais, Thibaut Pinot. Mais on ne peut plus se permettre d'arriver avec 50 jours de course au départ du Tour comme j'ai pu le faire. La fraîcheur mentale et physique est aussi importante. Bien joué. Eh bien, c'est assez serré ce soir. Corentin, un petit temps de retard. Alex, 3 points. Flo, 2. Corentin, 1 point pour les scores. C'est pas tant. Prochaine question, et c'est une question en rugby avec un chiffre tour de table. L'Italien Sergio Parisse est depuis ce week-end le détenteur du plus grand nombre de caps dans le tournoi des 6 nations, dépassant la légende irlandaise Brian O'Driscoll. Mais au fait, combien de sélections dans le tournoi des 6 nations pour l'ancien, enfin le Parisien, Sergio Parisse. Je sais pas pourquoi je dis ancien. Et on va démarrer avec Alex qui est en tête et qui est expert rugby, paraît-il. Et bim. Nombre de sélections, pas en sélection nationale, dans le tournoi. Nombre de sélections, ouais, dans le tournoi. Que dans le tournoi, hein. Bien sûr. Et pas de capitana, de sélection. Oui, de sélection. Tout court, hein. Ah ouais. Allez, il me faut un nombre. 96. 96 pour. Ouais, c'est énorme, non ? Alex. À Corentin, du coup. 61. 61. Bon, en jouant en dessous, de toute façon. Jouant en dessous, je dirais 50. Et Corentin, qui est du coup moins rugby, rafle la mise. C'est 66 sélections, donc il était très proche. Et donc le score est toujours bien serré. On enchaîne de nouveau avec une citation. Attention, du coup, là, s'il y a une mauvaise réponse, c'est éliminatoire. C'est différent. On a gagné des matchs avec différents managers, c'est juste une autre manière de jouer. Je dirais qu'on est plus offensif, on se crée plus d'occasions, on joue plus haut. On essaie de jouer comme ça, c'est comme ça qu'on veut jouer. On veut attaquer, le manager veut attaquer, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Je veux toujours faire plus, évidemment, mais j'essaie de ne pas trop en faire, affirme-t-il. J'avais un bout de citation en trop. Je joue pour l'équipe, je joue simple et j'ai la confiance de tout le monde, c'est le plus important. Delors ? Non, mais c'est le bon sport. Petit indice. Bon, allez, je vais tenter. Paul Pogba. Et c'est Paul Pogba. 4 buts, 3 passes décisives, 2 doublés consécutifs. Le français est à nouveau décisif avec Man United, managé par Ole Gunnar Solskjaer. Et bien sûr, c'était quand même une question un tu peu m'as bien hommage aidé, tu m'as bien aidé, ouais. à Flo en mettant une question Manchester United pour l'occasion. Et maintenant, on passe à une question biographie. Et vous pouvez m'arrêter, mais il faut aussi être sûr de sa réponse, messieurs. Sinon, c'est éliminatoire. Okay. Né du nom de famille Kildow, le 18 octobre 1984 à Saint-Paul dans le Minnesota. Je suis célèbre dans mon sport, disposant de l'un des plus beaux palmarès de son histoire. Ma carrière débute à 7 ans à Buck Hill avant de déménager à Vail dans le Colorado pour optimiser mon potentiel et découvrir un lieu propice à l'entraînement de haut niveau. Schifrin ? Ce n'est pas Michaela Schifrin. Je parviens à me qualifier pour mes premiers Jeux Olympiques en 2002 à Salt Lake City. Je fais preuve de plus de régularité à partir de la saison 2003-2004, montant sur mon premier podium à seulement 19 ans, alors que je n'avais jamais fait mieux qu'un top 15 auparavant. Je remporte ma première victoire au classement général de la Coupe du Monde en 2007-2008, avant d'enchaîner l'année suivante, tout en remportant 2 titres mondiaux. Je remporte la descente olympique aux Jeux Olympiques Vancouver en 2010 devant Julia Mancuso et Elisabeth Görgel. J'échoue en 2011 à la deuxième place. Lynn Sevon. C'est bien Lynn Sevon. Malgré une nouvelle blessure fin 2016, je reviens à la compétition dans la perspective des JO de Pyeongchang et monte sur le podium à la troisième place de la descente. Elle achève sa saison par une 43e victoire en descente lors des finales de Åre, déjà en Suède, et porte mon record à 82 victoires. J'annonce que j'arrêterai ma carrière après les championnats du monde 2019 en Suède. En février, je suis Lynn Sevon. Je la voyais plus jeune, 84 déjà. Tiens, moi, j'avais Tom Brady au début. On arrive sur les dernières questions. Avec une question tennis sur l'Open Sud de France, tour de table. Combien de joueurs, justement, non français, sont allés en finale de l'Open Sud de France ? Et on démarre par Flo. Non français. Non français. 4. 4 pour Flo. Bah 5. 5 pour Alex. Et ah, pour ça Quentin. M'emmerde. 4. 4. Et c'est bien 4. Donc les points vont pour Flo et Corentin. Et c'est chaud bouillant. À 2 questions de la fin. Flo, 4 points. Alex, 4 points. Corentin, 3 points. Ça a rarement été aussi serré. Attention, il va falloir accélérer, messieurs. Citation, qui a dit ? C'est extraordinaire ce qu'on vit cette saison. On fait preuve d'une telle force mentale. On prend ce but d'entrée, tout le public pousse. C'est un match compliqué, on arrive à revenir. C'est important pour la suite. Il y a quelque chose on peut à jouer cette saison, autant que vous voulez. Donc on va essayer d'aller jusqu'au Lopez. Marqué dans un derby, en plus à 74e minute. C'est incroyable. c'est Andy Delors, c'est un signe. Putain, j'étais pas sur lui du tout. Surtout pour moi, l'enfant de la région, les supporters hier m'avaient dit qu'ils savaient que j'allais marquer. Andy Delors, buteur dans le derby au Costières à la 74e minute de jeu pour amener un bon point de Nîmes et conserver ses chances de bien figurer en championnat. Mais elle a aucun sens cette citation. Il dit on a le public avec nous. Bah ouais. Il dit on prend ce but d'entrée, tout le public pousse. C'est un match compliqué. C'est moi j'étais sur Strasbourg. Ouais, moi aussi, c'est ça, J'étais sur Strasbourg, Kenny Lala et tout. Tu vois. Donc dernière question, il y a Alex qui peut éventuellement revenir sur Flo. Et c'est une question ski. Je vais vous poser une question assez simple, normalement. Qui est le français le plus titré aux mondiaux de ski alpin? Paturo. Ah bah non, justement j'ai dit que les mondiaux étaient difficiles pour Paturo. Ça peut remonter, hein, mais. Une des légendes. JB Grange. Non. Liseroux. Pas si simple. C'est l'histoire, messieurs, ça remonte plus loin que ça. Jean-Claude Killy. Et c'est bien Jean-Claude Killy. Flo termine sa victoire du soir avec 6 titres mondiaux, 2 descentes, 2 combinés, un slalom géant aux mondiaux de Portillo au Chili en 66 et de Grenoble, France en 68. Pas du tout déçu. Il est d'ailleurs à égalité avec Marcel Hirscher. Et il y a juste Tony Saylor qui est devant avec 7 titres et que Hirscher peut justement rattraper, donc un français en haut de l'affiche. On enchaîne très vite. Très vite. Terminer l'émission, correctement. Mais nous sommes à peu près dans les temps finalement. On s'en sort pas si mal. Sur cette belle victoire, quand même, j'en profite du coup pour le signaler de Flo dans ce quiz avec 6 points. Je félicite mes adversaires. Un beau petit score. Et puis, il y avait un bon quiz ce soir. C'était un quiz assez serré. Donc, on passe à l'agenda de la semaine. On terminera donc sur notre pronostic ensuite dans un second temps. Et je demande tout simplement on va démarrer par le rugby. À Alex, quelles sont les affiches à suivre de ce week-end? Oui, alors tournoi de destination, ce sera les mêmes affiches pour les hommes ou pour les femmes. Donc le samedi 9 février, vous auriez Écosse-Irlande et Italie-Galles. Et le dimanche 10 février à 16h, vous aurez Angleterre-France. Pour les filles, ce sera Doncaster pour répondre à la question de Flo. Et comme j'ai été autorisé, je vais vous citer. Comme j'ai été autorisé. Trois affiches de Pro D2, puisqu'il n'y a pas de top 14 cette semaine, j'en cite que trois. Donc la grande affiche du jeudi soir, Oyonnax Mont-de-Marsan. Le samedi, c'est Nevers-Biarritz. Et le dimanche, c'est Aurillac-Béziers comme dernière affiche. Bien évidemment. Dans le Cantal, ça va être on va climat gagner. Parfait. La folie. On va gagner. La folie. Flo, du football, bien sûr. Oui, bien sûr. Demain, le choc de Ligue 1, mardi, donc Marseille-Bordeaux, à huis clos, je le rappelle. Mercredi, Everton-Manchester City en Première Ligue. Barcelone-Real, on en a parlé en Coupe du Roi, match aller. Rennes-Lille en Coupe de France, mais il y a d'autres matchs de Coupe de France, mais voici le plus important. Jeudi, donc Guingamp recevant en Coupe de France, cette fois-ci donc Lyon, c'est pas le LOSC, c'est bien Lyon du coup. Vendredi en championnat, Dijon recevra l'OM. Samedi en pêle-mêle un petit peu, Dortmund, Hoffenheim, Atlético, Real Madrid, PSG, Bordeaux, Fiorentina, Naples et Bayern Munich, Schalke 04. Enfin dimanche, Montpellier recevra Monaco à la Mosson, Tottenham, Leicester en Première Ligue ainsi que Manchester City, Chelsea, Bilbao, Barcelone en Espagne et pour finir dimanche soir, l'OGC Nice recevra l'Olympique Lyonnais. Un beau programme de football qui nous attend. Dans le reste de l'actualité sportive de la semaine, nous aurons des sports d'hiver avec les mondiaux de Park City, la suite dans l'état de Utah aux États-Unis, de mercredi à dimanche. On aura également le retour du biathlon avec la manche de Coupe du Monde de Canmore au Canada, sans Martin Fourcade, faut-il le rappeler, mais avec des Français en forme. Donc début de la tournée américaine pré-mondiaux d'Östersund. Du 5 au 17 février, les mondiaux de Åre en Suède, on en a bien parlé ce soir, en ski alpin, avec dès cette semaine les disciplines de vitesse qui auront lieu. Donc pas encore forcément, hormis sur le Super G Schifrin-Hirscher. Super G masculin mercredi, descente samedi masculine. Et chez les filles, le Super G mardi, le combiné vendredi et la descente dimanche. Dans les autres événements qui sont à citer, on a du triathlon avec la manche de Coupe du Monde de Cape Town en Afrique du Sud, fin de saison décalée en triathlon, du judo avec le Grand Slam de Paris les 9 et 10 février. Et puis, bien sûr, nous reviendrons sur Montpellier, mais Flo me fait signe un petit peu plus d'actualité sportive. Il a pris les autres sports, il en a pris l'habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Je m'en excuse. Parce que bon, j'ai mis le judo Grand Slam de Paris. Il y avait l'équitation, Coupe du Monde de CSO à Bordeaux. Il y a l'aviron, championnat de France indoor à Paris. Il y a aussi l'Open Sud de France, mais aussi la Fed Cup Belgique-France pour ce premier tour. Que je n'avais pas noté d'ailleurs. Et il y a du cyclisme. L'étoile de, ouais. de Bessège. Donc je, voilà, je te fais plaisir un petit peu. Mais je vois. C'est l'un des premiers événements de cette saison cycliste, donc voilà. Je t'ai mis à bonne école et tu as raison, il faut le noter. Donc justement, on bascule vers Montpellier avec l'Open Sud de France de tennis, bien sûr, à suivre tout au long de la semaine. ATP 250, la finale aura lieu comme tous les ans le dimanche après-midi. Donc au niveau local encore, donc dans le sport montpelliérain, pour le MHB, tout d'abord, semaine de Coupe de France, 8e de finale, Montpellier se déplacera à 20h samedi à Istres. Concernant le Mavuc en volée, gros choc de Liga pour Montpellier à Chaumont samedi à 20h. Les Vipers en hockey sur glace se déplaceront à La Roche-sur-Yon samedi à 18h35 dans le cadre de la 23e journée de D1. Pour le waterpolo à la piscine Antigone, le Montpellier Waterpolo recevra l'équipe de Nice 7e samedi 9 février à 20h. Le futsal, le prochain match sera seulement le 16 février, la semaine suivante. Les Latoises du BLMA recevront en basket Landerneau au Palais des Sports samedi à 18h30 pour tenter de réenclencher la dynamique après quelques petits échecs en championnat, notamment contre Lyon pour le dernier en date. Le rugby, pas encore de doublon. Hein, pour le moment, ça effectivement, comme l'a dit Alex, nous avons le 6 Nations et la Pro D2. MHSC féminin et MHSC masculin. On termine avec le foot sur cet agenda avec Montpellier-Dijon chez les filles, qui aura lieu que le 16 février à 15h. Mais par contre, les hommes, eux, joueront dès le 10 février, donc ce week-end, au stade de la Mosson contre l'AS Monaco à 15h dans le cadre de la 24e journée. Un match important. Monaco, une équipe qui ne réussit pas toujours et il faudra éviter justement qu'ils remettent la marche en avant. Pour terminer cette émission, le pronostic de la semaine, et il est fait par Flo. Ouais, j'ai remplacé Tim au pied levé pour les tips de la semaine. J'ai trois petites cotes à vous partager. J'ai pris donc foot, tennis et rugby. Au niveau du foot, il y a un petit Barcelone-Real Madrid. Victoire de Barcelone 1,70, match nul 3,90 et victoire du Real Madrid 4. Je tenterai à dire de victoire du Barça, mais les deux équipes qui marquent à 2,65, je pense que c'est plutôt une cote intéressante. Sur les matchs de demain à l'Open Sud de France, je prends des risques aussi, enfin non, peut-être pas quand même. Benoît Paire à 1,30, Gulbis, peut-être là le premier risque à prendre à 2, et Pierre Hugerbert à 1,40, donc ça serait mes trois petites cotes. Et enfin en rugby, le crunch Angleterre-France, l'Angleterre est vainqueur à 1,18, donc c'est une petite cote. Moi je tenterais de dire, alors là c'est un gros risque, France à la mi-temps et Angleterre à la fin à 4,90. Je pense que c'est possible, pourquoi pas. Sinon, si vous voyez définitivement votre côté pessimiste, ça sera l'Angleterre avec 23 points d'avance, la cote à 3. Ah. Belle, ça, là. Et si elle en est optimiste, y a pas La France qui gagne. Ouais. Voilà. Ouais. moi je parie sur la France qui gagne. Allez, écoute, tu iras chercher la cote. À mon avis, celle-là, désolé, je l'ai pas. Elle va pas être prise, sympathique, hein. Et elle peut être intéressante. T'as raison. Restons optimistes. J'ai été optimiste avec toi pendant le duel. Sait-on jamais. Donc, je vous remercie, messieurs, pour cette Merci belle toi, émission. Je vous remercie aussi pour votre tolérance sur et notamment à Flo sur mes quelques petites approximations de jingle ou autre. Mais tu as été parfait. Nous nous sommes régalés en tout cas tous ensemble. Content d'avoir eu Corentin aussi à nos côtés. Et j'espère que tu apprécies revenir à Radio Campus Montpellier. Bien sûr, pour gagner le quiz. Oui, voilà, tu pourras revenir à cet effet. Merci à vous tous, Alex, Flo et Corentin. Merci aussi à la technique, à Tom et puis tous ceux qui l'ont aidé. Je sais qu'il y a un live qui nous suit, si j'ai bien compris, mais je n'ai c'est pas... C'est Abloc avec voilà. Seven... Ah, je l'ai plus. 7-Eleven, merci cher Tom. Merci à Flo et Tom pour qu'on puisse effectivement donner la suite du programme. On s'excuse pour le léger délai, mais on est just in time, comme on dit. Et on va se quitter avec le son de la semaine, qui n'était pas celui annoncé sur Facebook, mais un autre son. C'est un essai terrible gallois. J'ai préféré même pas retenir qui l'avait marqué George côté North. Gallois. George North, c'est George North, à nouveau, l'inévitable ailier solide gallois sur une interception d'une passe venue d'ailleurs, je veux dire, de notre Sébastien Vahamaina, deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne. Ça va pas vous mettre le moral, mais c'était quand même un des grands moments du week-end, et je pense que tout le monde a crié devant sa télé en voyant cette action assez terrible. Et on vous souhaite à tous du coup une bonne semaine et une bonne écoute de la suite des programmes. À la semaine prochaine pour Escrime. À la semaine prochaine pour une émission Escrime. Salut. De la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, un dérange partout. Pamaina qui allonge sa passe, attention, contre de Djordjevic, le contre terrible sur cette passe sautée, le doublé pour le Grand Norse, terrible action. Oh, Romain Itama qui est encore au sol, dépité. Le Pays de Galles reprend l'avantage à la 72e minute sur une interception de Djordjevic. On croyait qu'on avait fait le plus dur après ce duel gagné. En l'air, mais par Gaël Ficou, mais il y avait des hors-jeux. Il y avait des hors-jeux sur la transformation.